t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui colle. Si tu le veux, prends, je te le donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne, donne, donne. Je te le donne. Je te le donne. Je ne sais pas faire, j'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire, j'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là. S'installe chez Koei sur Énergie. Kinvé là. Et avant le nouveau titre que vous allez découvrir dans quelques minutes. Nouveau titre qui s'appelle Koei, qui sera en téléchargement sur tous les titres de téléchargement. Lego, évidemment, sera. On fait un gros bisou. Suivez-nous maintenant en live sur Facebook Live. Si vous n'étiez pas avec nous, vous allez voir le titre et l'entendre dans quelques minutes. Et il sera donc en téléchargement légal à partir de minuit. C'est ce qui paraît. C'est bien, t'étais ouais. pas au courant. Non. Heureusement qu'elle est là. Jennifer. Bien. Ah, bravo, Jennifer. Bravo. Ah, Jennifer. Elle est jolie, Jennifer. Ah oui, oui, oui. Elle est belle. Hein, c'est... Elle plaît beaucoup. Ouais, mais oui, c'est jolie, attachée. Elle est belle comme tout. C'est elle la plus belle qu'on ait. C'est là, ouais, ouais. C'est pour les autres qui écoutent, ça va faire un peu la gueule. Mais ça fera c'est plaisir. Une des plus belles qui viennent nous voir. On est en stock, ouais. Tu vas avoir beaucoup d'artistes, dis donc, des autres. Ouais, c'est ça. Bon, non, non, mais c'est vrai, Jennifer, t'es en forme. Tout va bien. Minuit alors, sur tous les sites de téléchargement. T'as vu, elle a des beaux cheveux parce qu'ils sont propres aujourd'hui. Tu as fait un shampoing, il dit qu'il devait. Mais non, tout à l'heure, je lui fais, t'as de beaux cheveux, elle me fait, ouais, je les ai lavés. Ça faisait 12 jours, ouais. Ah bah ouais. 12 jours. Ah bah oui, bah. Elle adore qu'on l'affiche, elle adore ça. Attention, le titre de Kinvé dans un instant, mais comme tu fais du crossfit, t'en fais combien? Deux fois par semaine, c'est bien. Donc c'est un truc où on soulève des pneus et tout, etc. Ouais, c'est ça, en fait. C'est physique. Nous allons faire ce soir le crossfit. Je suis très content de pas jouer. Hein. Le principe du crossfit, on met des chansons, c'est plus moi qui ai la manœuvre, c'est Bichette. Quand la musique s'arrête, quelqu'un de l'équipe qui sera désigné avant devra continuer. Oh là là. S'il y arrive, il aura droit à sa grande frite du McDo, c'est ça le crossfit. Ah, c'est pour gagner, ils sont contents s'ils gagnent des frites. Oui, cette équipe, oui. Ah, par contre, si jamais ils se trompent dans les paroles, ils se prennent un coup de frite de piscine dans la gueule par toi. C'est très très gentil. D'accord. Ne te trompe pas, mon ami. Oh, putain. Attention, et d'ailleurs, nous allons jouer avec Jeff. Ouais. On y va. Une dure. Une dure, tu veux voir. Ah, allez, ouais, ouais. Mais non, une facile. Tu fous un et la connaît. Personne le maximum qu'ensemble on danse à l'horizontale. Personne le maximum c'est ce que c'est. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est bien ton jeu. Qu'ensemble on danse à l'horizontale. C'est pas tellement que tu lui fais mal avec la frite, c'est qu'il a surtout pas les vrais. C'est ça qui le fait chier. Attention, Stouff qui s'est entraîné toute l'après-midi. Non, je me suis pas entraîné. J'irai doucement. Non, défonce pas. Allez, Stouff. Tape dedans, je suis pas ta mère. C'est quoi ? Je suis sûr que tu es celle que j'ai toujours attendue. J'aurais aimé te dire une fois, tu n'as jamais entendu. Car à mes yeux, je t'aime et devenu bien. Trop répandu. Oh ! Attends. Bah si, c'est ça. En plein désert. Je serais. C'est accepté. Je valide, mais elle s'est pris un petit coup quand même. Miko, tu m'en mets une simple pour Miko, puisque Je découvre. Nico, il s'est arrêté à Johnny. Nico, il s'était arrêté à allumer le feu. Donc, attention, on y va. Ah si. C'est décidé, je vais pas voir ma vie. Ah si, il a pas celle-là, c'est mort. C'est là-bas que je réside, une plage au sable fin ou épais. Je me changeais les idées, avec des bonbons dans les oreilles. C'est décidé, je vais aller manger du miel. Non. Bon, allez, j'en fais une, allez, on y va. J'en fais une. Tu les connais toutes. Non, non, non, non, je peux pas. Okay. Non, non. Ah, oh, c'est la plus facile. Ah, mais attends. Il revient avec la frite. J'ai décidé de prendre la vie du pas comme ça fait mal. Adolescent, souvent je me sentais complexé. Ouais, quand tu veux, hein. Ah, je sais. Non. Honteux. Mais j'étais prêt. Mais... Bah, c'est pas venu. Je suis déçu. Je suis déçu. C'est sympa, il a été sympa. C'est pas venu. Bordas. Ah ouais. Alors vas-y là. Alors là, tu peux y aller. Hein. Pourquoi mec, en mode CRS contre un gilet jaune, hein, tu peux y aller. Il prend de l'élan, je crois. Dans un monde meilleur, on pourrait tout s'effacer. Non, j'en prends une autre. Ah, on a une autre en plus. Dans un monde meilleur, on ne jugerait pas sur l'aspect. On vivrait tout en fait. Ouais, enlève les lunettes, mec. Dans un monde meilleur, c'est l'amour qui nous. Oh mec, t'as la pression. Reste Talita va. Ah, je l'ai tué. Non, c'est bon. Ok. C'est bon. Jeff. Ah, mais ça, c'est son côté policier qui revient. C'est jamais marrant. C'est les origines. Il lui a fait une prise de cash. C'est son côté policier. Les gars. Oh, stop. Ça fait du bien. Love and Peace, toi, viens t'asseoir. Qu'est-ce que tu fous par terre? Qu'est-ce qu'il y a que tu fais par terre, Bordas? Mec, tu fais pas de la radio par terre. Tu fais ton intelligent, alors Kinvé, allez chanter. Mets-toi en position, voici le nouveau titre de Kinvé. Et c'est là-dessus, les amis, que je vous rappelle qu'il faut aller le voir tour en tournée, l'Elysée Montmartre, partout. Allez sur fautekinvé.com. L'album va sortir le 8 mars et à minuit, ce nouveau titre sur tous les sites de téléchargement. Le nouveau s'appelle Je courais. Je courais. Are you ready? Yeah. Kinvé pour finir l'émission sur Energy en live avec nous. Concentré à me faire aimer de gens qui me connaissent pas. Égocentré sur ma carrière, je ne voyais que ça. Papillon de nuit, je laissais la lumière guider mes pas. Toi tu mourrais d'ennui et moi, je n'étais pas là pour toi. Ce qui change pour moi, c'est que demain le jour se lève. Alors que pour toi, il ne se lèvera pas. J'avais des œillères car je courais vers mon rêve. Que je regrette de ne pas avoir été là. Là je courais, je remettais à demain. Je courais, et je remettais à demain. Je courais, je remettais à demain. Je courais, mais c'est toi qui es tombé. Égoïstement, je vivais mon rêve à 200%. Jusqu'à oublier que pour moi tu as toujours été présente. Tristement j'ai appris que tu avais rejoint le Tout-Puissant. Je viendrai te chercher pour te dire ce que je n'ai pas pu de ton vivant. Ce qui change pour moi, c'est que demain le jour se lève. Alors que pour toi il ne se lèvera pas. J'avais des œillères car je courais vers mon rêve. Que je regrette de ne pas avoir été là. Là, je courais, je remettais à demain. Oui, je courais, je remettais à demain. Je courais, je remettais à demain. Oui, je courais, mais c'est toi qui es tombé. est tombé, tombé, tombé, tombé, oui tombé, tombé, tombé. Pardonne-moi si je t'ai déçu, pardonne-moi mes absences, si tu savais comme je m'en fous. Pardonne-moi, j'étais perdu, je n'ai pas saisi l'importance. J'aurais tant aimé te dire adieu, parce que je courais, je courais, je me mettais à demain. Je courais, je courais, je me mettais à demain. Je courais, je courais, je me mettais à demain. Je courais, je courais, mais c'est toi qui es tombé. Je courais, je courais, je me mettais à demain. Oui, je courais. Qui est tombé. Merci. C'est beau, hein? Bah alors, Miko. Bah alors, mon Miko. Regarde, regarde, bah, regarde. Très, très, très belle parole. Pourquoi tu peux l'avoir? Parce que ça lui fait penser aussi à sa grand-mère, je suppose, c'est voilà. Ça? Bah, voilà. Absolument, absolument. Non, mais voilà. Bah, je découvre Ziggy Kinvey. Bravo. Mais je pleure pas. Non mais c'est émouvant voilà. Parce que on va chialer aussi. Ah non parce que si tu pleures, si tu pleures, je vais chialer aussi. Ah oui bah après c'est comme quand je vomis, il vomit et puis après Jeff vomit. C'est pareil. C'est quoi c'est beau, c'est-à-dire que c'est une belle chanson. Oui absolument. Non Jeff il mange le vomi. Et ben c'est là-dessus c'est un peu on se finit sur ce moment d'émotion. Bravo mon Kinvey. Merci à vous. Le titre que vous venez d'entendre en téléchargement à minuit. Je sais que tu as je veux juste dire un truc, ça me fait extrêmement plaisir que tu sois revenu ici. Ça va me faire manquer et faire des interviews avec toi, c'est pas faire des interviews avec tout le monde et c'est vraiment toujours un plaisir. Merci pour toi. Oh, je sais pas si on peut appeler ça des interviews, mais en tout cas, c'est des concepts. C'est des beaux moments d'échange, tu fais chialer les gens de mon équipe. Qu'est-ce que je te dis? Une superbe chanson de Kinvey, je vous fais des bisous. Je vous laisse avec toute l'équipe du Rico Show, vous avez passé une très belle soirée sur Énergie. Ça va les amis là-haut, vous êtes en forme? Ça va l'équipe? Ça va, bravo, tout va bien, tu as raté des moments, tu as raté des moments de d'émotion, ça peut le chialage. Ah bah écoute, moi j'étais vissé au casque, hein. J'étais avec vous. Hein. Non, mais comme tout le monde, merci à ceux qui nous ont suivis sur Facebook Live, bonne soirée à vous les amis. Allez, vous, êtes là, vous êtes là pour toute la soirée, on revient demain 17h, bisous, merci, bisous, bisous. Sur Énergie. Salut à tous, je m'appelle Aymeric Bonnery, mon surnom c'est Rico, et vous venez d'atterrir dans le Rico Show. Jusqu'à 23h, le Rico Show. Le Rico Show, sur Énergie. Salut à tous, ma famille, tellement content de vous retrouver pour 3 heures de kiff sur Énergie. Alors les amis, ce soir émission exceptionnelle, oui le Tinder de la peur sera là avec Sylvain qui accueillera sa prétendante chez lui et elle découvrira à la télé qu'il est recherché, mais Sarah aussi, et de la partie avec un concept inédit en radio. Vous allez voir, elle se transforme en agent immobilier et c'est très très fort ce qu'elle va faire. Rester avec nous, ce sera dans une heure et ce sera mythique assurément. Restez vraiment là pour une émission exceptionnelle. Mon JM est là aussi, ça va JM? Ça va au top mon Rico, je suis à fond, c'est début de la semaine, qu'est-ce que tu veux de plus? L'accent fait du bien puisque c'est l'hiver et il fait de plus en plus froid, on va en parler, ce mois de décembre est terrible. Ça va ma Sarah? Bonsoir à tous, j'ai un torticolis Rico. Ah, elle a fait l'amour avec son cœur. Il était temps, c'est sa façon à elle de nous le dire et vous allez voir que le mois de décembre, a priori, ça y va comme des lapins. On va en parler, donc ce serait le mois de Sylvain le tombeur. Eh ben écoute, en pleine forme. Hein. Ah oui, lui il est en forme. Hey, j'ai mis le parfum. Ouais. Tu dis parfum. Ouais. Dis rendez-vous Tinder. Rendez-vous Tinder qui arrive, les amis. Ce sera dans une bonne demi-heure avec Sylvain. Et ce concept-là aussi est fou. C'est votre émission. Vous êtes sur Énergie. Vous êtes les bienvenus. 0800 70 42 48. Venez, on écoutera du bon son. Kaiser Panda. Trois cafés gourmands. On veut du Claudie Musette. Et Soprano. On parle. Du bail du jour. C'est quoi le bail du jour, mon Rico? C'est dingue. Ah, dingue. Tout le monde en parle. C'est le bail du jour sur Énergie. Eh oui, il y aura les news derrière et le canular du jour aussi qui arrive dans 5 minutes. Et les amis, le mois de décembre est un mois absolument différent des autres. Alors déjà, il faut savoir qu'à partir du 1er décembre, des choses changent. Hein, donc depuis quelques jours, ça y est, les préservatifs sont remboursés par la Sécurité sociale. Ah, enfin. Enfin. Ça va servir de chaussettes pour le sapin, ça. Ah oui, eh oui. C'est un petit peu le décembre 2018 de Sylvain après mai 68, il a gagné sa guerre. Bravo, Sarah. mais c'est une angoisse. Moi, je me vois pas demander aux médecins sur l'ordonnance des préservatifs Gouvani, par exemple. Non, mais c'est pas possible. Tu as bien demandé ton petit médicament pour les mycoses. Alors, excuse-nous s'il faut demander l'ordonnance pour les préservatifs. Mais si, allez-y, justement, protégez-vous, c'est important. Mais aussi, le chiffre complètement dingue, 15% des Français ont froid chez eux. Oui. C'est vrai. Alors, Sylvain, t'as froid, toi aussi Pas dans le plumard, par contre. Ah non, là, il fait bien chaud. Non, mais c'est vrai, malheureusement, ça coûte tellement cher, l'électricité, qu'on se prive un peu de chauffage pour économiser. Résultat, on a froid. Bah, évidemment, tu mets plusieurs couches, ça coûte moins cher. Désolé, je fais mon potard, mais trois pulls, au moins, t'as pas froid. Alors, moi, c'est la première année où voilà, j'ai vraiment assumé l'électricité. J'ai changé mes chauffages, c'est des grippins. Vous savez, j'ai pris 500 euros de rattrapage. J'ai regardé, la moitié, c'est des taxes. Hein, juste pour info. Non, mais c'est vrai, 50% c'est l'électricité pure, le reste, c'est des taxes. Oh là là. Donc, mettez-vous à l'électrique, on nous prendra le pognon quand même. Hein, vous inquiétez pas, il y a pas de souci. Non, mais mets des pulls, hein, c'est moins cher, comme tu dis. Je vais chez Sylvain, c'est Michelin, le gars. Je veux dire, plus personne peut l'approcher. Allez, on se met Kaiser Panda. Et je vais vous parler aussi d'une chose. Au mois de décembre, on serait plus caliente. Un, deux, tres, go. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España a Brasil hasta Panamá, Puerto Rico también lo sienta en Venezuela, quiero más. Oye, la fiesta a ti te llama, suéltate el pelo y salta de la cama, estamos ready, la noche muy larga, así que vamos a quitarnos toda la gana. Si tú estás bien, habla portugués, conmigo mujer y si no pues tú no ven, esta noche yo voy a hacerme con el balqué, de noche me floco como Yandé. Con tus amigas en el barrio, guaraná, rumba y tequila. Déjate la tres mamacita. Todo el mundo quiere, todas las mami no quieren. Sé que prefiere, mami, tu huevo no miente. La gente mecha, Bogotá va a rumbear y Bogotá va a danzar. Hemos llegado todos ya, pintura y en el oriente. Todos quieren fiesta y bailar. La gente mecha, la gente quiere fiesta y rumba. Ya la veas, quiero el ritmo sin ley. El papi pula, vamos a romper. Hasta Panamá, Puerto Rico también lo sienta en Venezuela, que lo muevan. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España, Brasil hasta Panamá, Puerto Rico también lo sienta en Venezuela, que lo muevan. Con las manos para arriba, siente el ritmo, mamita. Y hasta Panamá, Puerto Rico también lo sienta en Venezuela, que lo muevan. Vamos de Colombia hasta Portugal, de España, Brasil hasta Panamá, Puerto Rico también lo sienta en Venezuela, que lo muevan. Que lo ve. Un, dos, tres, go. Que lo ve. La Hindi Mashup. On se fait un bail. C'est le bail du jour sur Énergie. Eh oui les amis, c'est clair, tout le monde va en parler. Le mois de décembre est là. Et c'est vrai qu'au mois de décembre, on bouffe les amis. Ça vient de tomber, on prend 7 kilos en plus de moyenne. Hein. Wow. On remercie Sarah qui en prend 14 pour nous. mais c'est complètement fou ça Sylvain. Bah, comme on dit, la farce, la dinde est farcie quoi. Ah oui, oui. Voilà. Enfin, le langage aussi. Et le cerveau pas du tout. Du côté du tombeur, franchement on aimerait bien qu'il se farcisse ce cerveau. Fait le cuir, fait quelque chose. On va parler de ça avec Marco qui a fait le 0800 70 42 48. Ça va Marco ? Salut Rico, salut l'équipe, ça va super. Salut. Alors Marco, je la fais tout de suite polo, hein, voilà, comme ça c'est Sylvain va pas la faire. Non mais je dis elle allait venir et je voulais pas te l'infliger. T'as raison de faire les blagues faciles avant, comme ça on a plus besoin de les avoir. On est débarrassé. Maintenant Marco, tu peux parler, c'est fait. Marco, toi les fêtes et tout, je sais que tu bouffes, hein. Tu bouffes Marco. Ouais, mais attends, je suis complètement d'accord avec toi. Tu sais quoi? Moi, j'ai acheté un calendrier de l'Avent et j'ai attaqué samedi, normal ouais. et tout. Et en fait, j'ai bouffé dans tout le week-end. En ah, quelques pas... heures, j'avais dégommé le calendrier. Attends, moi, je suis déjà au 13. Ben, moi, j'ai fini. Du coup, j'ai des boutons et tout. Je suis pas sorti ah, du ouais. week-end à cause de ça. Tiens, dès que tu manges. Ouais, dès que tu manges gras, tu le payes. Oui, mais attends, à Noël, ce qui est bien, c'est que tu peux mettre des gros pulls. Tu vois, t'as des gros pulls, Ikaï, des jogging. Ouais. Voilà, donc on voit y a pas des trop. Des boules, des guirlandes. Oui, c'est trop beau. Moi, c'est féerique. Ben, oui. Attention, ça va l'être moins, Sylvain. Ah non, mais Sarah, les boules et les guirlandes, elle les connaît pas, ça. Ah ouais, ouais, ouais. Bah, a priori, elle apprend à le connaître, la torticolis. On te l'a dit, elle fait connaissance. Et les amis, il y a 5,8 millions de sapins, mais où il est foutre ces sapins. C'est vrai. 5,8 millions rien qu'en France, 40 000 tonnes de chocolat, 1,26 million de lettres au Père Noël. Ça y va, ça écrit, hein, oh ça là gratte. Là. Hein. Mais moi, jusqu'à présent, j'appelle le numéro du Père Noël, là, le 08. C'est pas vrai. Je te jure, j'aime bien, je suis restée en enfance. Mehdi aussi, sauf que c'est une dame qui répond. C'est un Père Noël. Elle a une voix très charmante. Allô, mon biquet. Alors, t'en es où ta guirlande? T'as fait le sapin? À chacun son appel, hein, ouais. Un petit peu coquin. Marco, fais attention sur la bouffe et puis reviens nous voir, d'accord? Ouais, avec plaisir, je vous adore, vous êtes géniaux, je vous écoute tous les soirs et continuez comme ça. On t'aime, Marco. Merci. On va te faire un petit cadeau, tiens, c'est Noël aujourd'hui. Merci, mon Marco, de passer, t'amuser, de te régaler avec nous. On va se faire le canuour. Tout le monde est en danger. C'est l'heure du canuour, le canular du jour sur Énergie. Sarah, on va se régaler en parlant de Noël. Il y a une famille, a priori, il y a Noël partout. Alors déjà, je vous explique, c'est Papy et Mamie Rico qui cherchent un Père Noël. Ouais. Donc cet après-midi, j'ai écumé le Bon Coin et je suis tombée sur une famille qui se propose de faire la Mère Noël, le Père Noël et le lutin. Oh, c'est génial. Mais quand je les ai au téléphone, quand je te dis, ils sont prêts à tout. J'ai jamais vu une famille comme ça. On ils va vérifier énormes. Ça tout de suite. Le Tinder de la peur, Sylvain Aké et sa prétendante, elle découvre à la télé, évidemment, qu'il est recherché. Et Sarah inaugure un concept inédit en radio. Vous bougez pas, on se fait ça dans 3 minutes. La playlist suprême est de retour sur Énergie pour Noël. 50 000 euros à gagner sur Énergie. La playlist suprême Énergie, c'est Angèle, Marshmello, Big Flo et Oli, Marnik et Smack, 3 cafés gourmands. Cette playlist sera jouée sur Énergie une seule fois, dans cet ordre précis, aujourd'hui ou avant fin décembre. Soyez attentifs. Dès que vous l'entendez, appelez Énergie 3937 et gagnez la somme folle de 50 000 euros. On ne choisit pas ses voisins. Il y a ceux qui jouent de la musique jusqu'au bout de la nuit. Ceux qui enchaînent les réunions de famille. Oh, je suis tellement content de venir à barrer comme Bilout. Et ceux qui s'invitent chez vous le soir de Noël. Je suis le Père Noël. On ne choisit pas ses voisins. Mais avec Canal, on peut choisir de profiter du meilleur du cinéma et des séries à tout moment sur MyCanal. Ce Noël, retrouvez Coco sur Disney Cinéma, La Petite Famille sur OCS, Santa et Compagnie sur Canal+. Découvrez les offres Canal à partir de 19,90€ par mois sans engagement. Abonnement via PC, Mac, tablette, smartphone, conditions sur boutique.canal.fr. Alors, comment ça se passe chez Sport 2000? Dans notre magasin de Pontcharras sur Turdine, que du bonheur, Antoine Griezmann. La preuve, avec notre sélection de Noël. Jusqu'au 24 décembre, par exemple, la veste Sherpa Homme Quicksilver est à 49,95€, soit 41% de remise. Ça match. Joyeux Noël, Antoine Griezmann. Sport 2000. Ça match. Voir conditions en magasin. Alors, il vient d'où, ce Lucas? D'un cours de cuisine mythique. On apprenait à faire un plat thaï. Au début, je l'avais pas remarqué, mais à un moment, il s'est approché de moi, les yeux embués, pour me dire « C'est super épicé !» C'est bête, mais sur le moment, ça m'a fait pleurer de rire. Les belles histoires commencent souvent par un détail. Partagez de bons moments et rencontrez-vous aux événements mythiques. Nouveau cycle, Chérie 25. Chaque jeudi, Chérie 25 met à l'honneur Cameron Diaz. Une icône glamour et populaire. Une femme merveilleuse. Pétillante et attachante. J'avais pas envie d'être seule hier soir. L'actrice est la star des comédies américaines. Un vrai rayon de soleil pour vos soirées d'automne. Chaque jeudi, Chérie 25 vous fait découvrir ses multiples talents. Jeudi, Inner Shoes, à 20h55 sur Chérie 25. Chérie 25, tous les soirs un film. Mardi, William a été témoin d'un truc fou. Il a vu passer une licorne, mais une vraie, hein. Mais le plus fou, c'est qu'il sortait de chez Domino's avec une pizza large à 7,99€. Les mardis fous, toutes les pizzas, toutes les tailles sont à 7,99€. Prix conseillé à emporter hors signature, conditions et magasins participants sur dominos.fr.

13 ans, je crois. 12 ou 13 ans. Ouais. Et le mec, il est là à faire le lutin. Le lutin, tu vois la photo, le pauvre. T'as les oreilles en pointe et tout. Mais ils sont barjots. Ils sont fous. En même temps, on a besoin de caillasse. Hein. Ah, bah oui, bah c'est pour ça. De toute façon, on va les appeler, on va voir jusqu'où ils sont prêts. Ils s'appellent pas la famille Noël, non? Allô? Oui, rebonjour madame. Bonjour. Oui, bon, super. Bon, écoutez, comme je vous ai dit, on cherche un Père Noël, une Mère Noël et tutti quanti. Je suis avec mon mari, là. Il a quelques questions à vous poser. Allô, c'est bonjour madame. Ferme ta gueule. Bonjour, comment allez-vous? Bien. Bon, je vous appelle par rapport au Noël. J'ai vu qu'il y avait des petits lutins sur l'annonce. Oui, il y a un petit lutin. C'est mon fils. Ah, il a quel âge, le bambin? Oh, le petit bambin, il a 12 ans. Il a les oreilles pointues depuis quand? Oh là, on lui a tiré dessus, là. J'imagine, des petites boutades. D'accord. Ouais. Et vous êtes qui? La mère Noël dans tout ça? Ben voilà, vous avez tout compris. D'accord, et qui fait le reine? Oh, je viens aller chercher, je vais me débrouiller pour aller chercher au pôle Nord, là. Oh, elle est drôle, hein. Alors, dites-moi. C'est qui, le monsieur derrière? C'est le Père Noël de remplacement. Oh ben non, il ne fera pas l'affaire, il est trop plat, le Père Noël, il faut qu'il soit bien gras, bien rond. Ah oui, alors attention, hein. Je veux pas qu'il ait bu une goutte d'alcool, le Père Noël, avec les gosses, hein. Ah non. Le Père Noël bien rond, je vois ce que vous voulez dire, hein. Non, il n'a pas, il n'est pas rempli de vin, ni de bière. Ah oui, je me méfie, moi, avec ces Pères Noël. Vous savez, l'année dernière, j'en ai eu un qui m'a vomi dans le traîneau, hein. Ah ouais? Ah oui, donc je ferai souffler le Père Noël avant, hein. Est-ce que vous chantez un petit peu? J'ai envie de comptine de chant, moi. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, tu n'oublieras pas le petit soulier. Voilà, vous savez. Bravo. Bon, il est là, le lutin. Oui, il est là, le lutin, il est à côté de moi. Passez-moi le petit lutin. Le lutin. Allô? Comment ça va, le lutin? Bonsoir. Ouais, ça va bien. T'as quel âge, lutin? 12 ans. T'as 13 ans? Tu commences à plus être un lutin, toi, à cet âge-là. Bah, bientôt, c'est moi qui prendrai la relève, hein. Ah non, tu peux plus être lutin, toi. Ah non, trop grand. 13 ans, c'est trop grand. Trop grand. Trouvez-nous un autre lutin. Bah, il n'est pas très grand, hein, mon lutin. Hein, quand même s'il a 13 ans, il n'est pas très grand. Hein, ah, vous m'aviez dit 12 ans, vous m'avez menti. C'est comme le Père Noël, il va arriver encore plein comme un œuf. Eh non, il ne va pas venir sous, Père Noël. Vous si. Inquiétez pas. Vous êtes sous. Vous allez vous foutre à poil devant mes convives. Ouais, sûrement. Je le sens bien. Ah oui, avoir la photo, c'est une petite coquine, hein. Mais c'est quoi cette famille? J'en peux plus. En tout cas, on s'est bien marré. On les embrasse. Allez les amis, les news arrivent. Je vais vous parler du bug du jour. Et là, vous allez vraiment vous dire, ça n'arrive qu'aux autres. On va parler pognon. Ils ont gagné un fric monstre. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Belle Corrèze charnelle. Oubliez ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région, c'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy. Testament, au-delà d'une confidence, on est des petits enfants. joli coin de France. Enterrez-nous vivants, Bayeux s'il le faut. Mais prenez soin avant de remplir notre jabot. La relève est pour toi, notre petit Lucas. On te laisse en héritage, la piste, nous on dégage. Le temps nous a gâtés, on en a bien profité. On a des souvenirs en tête ce soir, faisons la fête. Acceptez ma rengaine. Juste dire je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier. J'ai énergie en cathéter d'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille. Mimi sert nous à boire. On a les yeux qui brillent. Je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier. J'ai énergie en cathéter d'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille. Mimi, sers-nous à boire. On a les yeux qui brillent. 0870 42 48. L'appel est gratuit. On vous attend, mais aussi sur Snapchat. Rico Energy, c'est les news. Emeric a lui aussi son JT. C'est les news de Rico sur Energy. Eh oui les amis, du très très lourd. D'ailleurs Tamara nous a rejoint, elle a 28 ans, ça va Tam? Salut Rico, salut toute l'équipe. Bah salut. Ouais, ça va, salut. Écoute, on est en pleine forme, il fallait quelqu'un la fasse aussi hein. Ça va arriver sur tous les prénoms. C'est la nouvelle consigne Rico, on est d'accord hein. Il faut faire les blagues pourries au début. Un jeu de mots par auditeur, voilà. Allez-y. Allez. Mettez-les bien à l'aise hein. Bienvenue Tamara, bienvenue. Et puis dans deux secondes va dire Sylvain dira que c'est le prénom de Chaim hein. Comme ça on aura fait le tour. Non mais c'est vrai. Tiens Tamara, c'est un joli prénom. Ah c'est un joli prénom. Non moi j'adore. Franchement j'adore. Ah, super joli. Ah oui. À une syllabe près c'est le Tarama. Mais bon ouais, c'est fait. Ouais, là il sort là. Ouais. Écoute, le micro est coupé. Tiens, on va parler du lover du jour Tamara. Est-ce que toi t'as déjà eu une rencontre première rencontre assez bizarre dans un lieu insolite? Ouais. Ah ouais, où? J'ai un de mes ex qui m'avait emmené en fait voir un match de foot pour un premier rendez-vous et commencer à dire que c'est pas bien. Romantique et c'est pourri. Ah ouais d'accord, mais c'était quoi comme match? Quand Dijon? Franchement je sais même pas tellement, j'étais pas du tout dedans quoi. Ah ouais t'étais pas dedans du tout, ah ça promet. Bah là c'est différent en fait, il a amené sa prétendante à un enterrement. C'est pas une vanne, c'est une jeune meuf qui a raconté ça en fait sur Twitter. Elle a dit voilà, le gars elle le rencontre et le mec lui a dit voilà, je suis habillé en noir parce que je t'avais promis de te surprendre. Et bien aujourd'hui je dois aller à un enterrement. Il l'a emmené en fait au crématorium pour assister à la crémation d'un de ses proches. Et il s'est mis à pleurer, lui a pris la main pour qu'elle le réconforte. Il s'était jamais parlé avant, jamais vu, c'était la première rencontre. À la fin de la cérémonie elle a appris que la copine de son rencard l'avait quitté quelques semaines auparavant et il avait besoin de quelqu'un c'est moche ça, voilà, pour contre. Lui et il l'a amené du coup et bien au crématorium. Ça rend de ouf de la mort, on appelle ça. Là, on est un peu comme le Tinder de la peur qui arrive dans 10 minutes. Alors, moi, on m'a déjà emmené, et c'est pas une blague, mais faire une petite escale dans une maison de retraite. C'est pas vrai. Mais je te jure. Ah, bah oui, le soir d'Halloween. Retour au bercail. Ah oui, ils avaient fait un thème, ils avaient besoin de quelqu'un. Tiens, on va parler justement, les amis, de l'idée du jour. En fait, c'est un gars qui a créé un décor pour faire semblant d'être riche sur Insta. Vous savez, sur Instagram, apparemment, faut s'afficher. Et lui, il a juste un décor, d'accord, d'un jet privé. Et les personnes s'installent, et lui, il s'installe et prend ses photos. Et il fait comme s'il prenait son jet tous les week-ends. C'est génial. C'est ouf. Hein, tout le monde a fait ça pour être un petit peu, pour se la péter. Moi, par exemple, j'ai acheté des fausses Rolex à Marrakech. Et je mettais, tu sais, je me tenais la barbe avec la montre. Et je voulais qu'on voit la montre. Non, mais sérieux, Tamara, c'était jamais arrivé? Ouais, si, avec des potes, j'ai déjà fait genre que je connaissais, tu sais, des bons endroits branchés où sortir et tout. Et après, ils me disaient, mais vas-y, viens, tu nous emmènes. Et je faisais la meuf blasée, non, mais c'est bon, j'y suis trop allée. En fait, tu vois, je connais rien. En plus, j'ai même pas les thunes pour sortir là-bas. Ah ouais, bah ouais. Tu te fais des screens sur des sites et puis après, tu mets trop bien Monaco. L'hôtel est chic. Non, mais c'est terrible, on se régale. Allez, on va se mettre soprano, les amis, et je vais vous parler du bug du jour. Tout le monde est devenu riche. Oula. L'espace d'un instant. Franchement, on rêverait que ça nous arrive, mais nous, comme par hasard, jamais. Allez, zoom, zoom. Soprano. Alléluia, alléluia. Hermano Sopran Baba. Hermano Shahuela. toujours resté le même, je suis toujours resté le même. Je suis toujours resté franc, oui, comme ma première SACEM. 20 ans au-dessus de la mêlée, je ne sais pas m'arrêter, je sais que je devrais en laisser. Mais bon, je ne sais que les dresser, car j'ai ça dans l'ADN. Non, je ne sais pas faire autrement, je ne sais pas faire doucement. Je les entends me tailler, normal, on taille que les diamants. J'ai dû hériter de la baraque de mon voisin Zinedine. À la baraque, il y a une décennie de trophées, mais que des retournés à la Gareth Bale. Les baffes, leur donner le tournis quand tombaient les tout derniers chiffres. De leur carrière, j'ai pas tourné la page, mais j'ai plutôt fermé le livre. Mélanger les styles et les gens depuis tellement d'années qu'ils n'arrivent plus à suivre, donc obligé ce soir de leur expliquer ce qui leur arrive. Viens, zoom, zoom, zoom, comme Diego dans la Bombonera. Comme Savastano dans la Scampia. On vient rentrer dans la Leyenda. C'est les news. Emeric a lui aussi son JT. C'est les news de Rico sur Énergie. On est là jusqu'à 23h. Le Tinder de la peur arrive. Sylvain va accueillir sa prétendante et il va découvrir à la télévision, enfin du moins elle va découvrir qu'il est recherché. Comment s'appelle-t-elle ce soir? Eh bien ce soir c'est Pauline. Ah ouais, ça a matché entre vous. Ouais, ça a matché, on s'est parlé tout le week-end là. Ouais. Et je peux dire que c'est sympa. Ah, ça a chauffé. Ça a chauffé. Ça a chauffé. J'ai hâte de découvrir ce Tinder. On est toujours dans les news et je vais vous parler du bug du jour. Hein. Matamara qui a fait le 0870 42 48. Il s'est passé un rêve. Voilà, oula, je vous le dis. Un distributeur de billets donne 100$ au lieu de 10$. Oh. Non, mais c'est vrai. Ah ouais, c'est arrivé, c'était aux États-Unis et ça a créé une émeute de dingue puisqu'ils se sont passés le bouche à oreille et des gars après ils n'arrivaient plus à retirer parce qu'ils n'avaient même pas les 10$ tellement ils avaient fumé leur compte. Hein, mais chaque billet de 10 était remplacé par 100$, ça fait belle culbute. Vous multipliez votre compte en fait par 10 et puis derrière la banque pour vous rembourser, c'est erreur de la banque, t'es ranké. C'est, non mais on appelle ça un distributeur gilet jaune. Hein. Ah oui. Ah bah ouais. Il est con celui-là. Un distributeur gilet jaune. Il en faudrait plus d'ailleurs. Hein. On va sortir dans la rue parce qu'on veut ces distributeurs. Sauf que si tu les as pas sur le col, t'as les 100$. Bah, il peut pas te les donner, non? Ouais, mais si t'as 10$, il t'en sort sur le col. Vous avez échangé vos corps, Sylvain. Ouais. Je crois qu'ils se sont entrepris ce week-end, ils ont échangé le cerveau. Non, et moi j'ai un plafond, je réfléchissais, je faisais mes calculs, j'ai un plafond de 500€, j'aurais eu 5000€, c'est ça? Exactement. 5000 boules. Pour une fois, elle s'est multipliée par 10. Ouais. C'est énorme. Et Tamara, si ton plafond est de 1000, combien serait ton compte avec 1000? Avec, je sais pas, 10 000. Bravo, oh, bravo. Exceptionnel. Tu peux rentrer dans l'équipe. Hein. T'as toutes les aptitudes. Je viens. Ah ouais, et si tu sais répondre à cette multiplication, c'est bon. Hein. Si tu sais mettre un zéro après le chiffre, t'es bien. Allez les amis, info suivante. Wow. Ah oui, on tombe, c'est produit. La bonne action du jour, c'est un distributeur qui donne des chèvres contre un don. C'est pas une vanne. Vous mettez une pièce où vous payez avec votre carte bleue et directement dans un pays démuni, ils offrent une chèvre à une personne en nécessité. Ouais, du coup, Sylvain, fais partie du distributeur. Mais non, mais c'est un truc de ouf. Ah, c'est fort. Une vraie chèvre, une animale. Il y a toi et à côté des joueurs de l'Olympique de Marseille. T'as le droit de la faire celle-là, ça, ouais. Je te soutiens, ma mère. Avec les deux matchs qu'ils ont fait, je me permets, mes amis, merci et que je vous aime. Je sais que vous aussi, vous en êtes conscients. Allez, suivant, regarde. Next. Ça pleut. On va parler justement des pervers du jour. Vous savez que c'est de plus en plus dur pour avoir un prêt. Ouais. On galère. C'est horrible. On galère. Je sais pas si vous avez déjà essayé, les gars. Il faut sortir toutes les fiches de paye. Ah oui. Il faut montrer string blanc. Ah ouais. Tamara, c'est une galère, on est d'accord. Ah ouais, carrément. Attends, ils te demandent tout, ils veulent tout, c'est une galère. C'est horrible. Et moi, j'ai un prêt que j'avais fait pour ma boutique et j'ai cru qu'ils m'avaient oublié. Ouais. Et jusqu'à présent, ils veulent porter plainte et tout parce que je leur dois encore 30 000 euros. Il ne faut jamais faire ça. Donc, tu dois de l'argent. Je dois. Faites-moi l'état, on est together. Ah, bon, on va dénoncer ça. Ils ont mis un truc en place pour être sûr, justement, que comme Sarah, vous rendiez l'argent. Ce qui n'est pas le cas de Sarah, mais que vous fassiez cette histoire-là, c'est ouf. Franchement, ça dégénère, je vous en parle, on se met charge et sera. Et puis on en parle. Le Tinder de la peur arrive avec mon Sylvain. Ce soir, il va draguer. Et elle découvrira à la télé qu'il est recherché. C'est dans 5 minutes. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green, stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Avec vous jusqu'à 23h, le Tinder de la peur. Dans 5 minutes, on va se régaler. Sylvain va partir récupérer Pauline, qui est esthéticienne. Esthéticienne, ouais. Si elle pouvait t'enlever la moustache, on serait très heureux. Franchement, ce sera un bonheur. Tamara est là, elle a fait le 0800 70 42 48. Et c'est promis, je voulais vous en parler. En fait, en Chine, les jeunes femmes galèrent à obtenir un prêt. D'ailleurs, en France, c'est pareil. C'est galère, faut montrer pas de blanche. Ouais. Alors, ce qui se passe, ma Tamara, c'est que du coup, ils se prêtent entre particuliers. Tu vois, pour avoir de l'oseille. Et pour être sûr que les jeunes femmes rendent l'argent, ils demandent des nudes. Non, mais c'est pas une vanne. Il dit voilà, tu m'envoies une photo nue de toi, je te fais un prêt. Et comme ça, en fait, il te menace à la divulgation de la photo. Hein, comme ça, t'as la honte pendant toute ta life. Ouais, c'est de la magouille, ça, tiens. Ouais. Et je te jure que c'est vrai, avec la pièce d'identité. Donc, elle pose nue avec la pièce d'identité. Et en fait, ça fait forme de garantie. Sarah, ma question est simple, est-ce que tu serais prête à faire ça pour un prêt? Mais mille fois. Mais de face, recto, verso, profil. Tamara, est-ce que tu serais prête à te mettre à nu? Ah non, franchement. C'est dommage, j'avais 200 euros pour toi. Bah, peut-être 2000 alors. Ah, 2000, ah, on y vient, Sylvain. Non, mais Sarah, elle fait ça, elle a interdit bancaire. Il est con, le mec. Elle est sur liste noire, Vida. Ah ouais, non, mais c'est fort, mais c'est complètement ouf cette histoire. C'est énorme. Mais où est-ce qu'on va maintenant pour avoir un peu de billets, de pognon là? Ouais, y a plus de confiance. On prête Corich, mais on va où là? JM, t'as un prêt toi? Franchement, j'ai pas de prêt, j'ai pas envie d'en avoir en envoyant des nudes. Franchement, putain, c'est vrai. À un moment donné, comment c'est tu fais? C'est horrible. Ah ouais. Putain, maintenant faut montrer l'arrêt pour avoir un prêt. Oh, mais où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? Moi, je veux. Mais on va, ça va plus. Oui, mais c'est des garanties, c'est parce qu'ils sont pas sûrs d'être payés, donc faut bien trouver. Avoir... Non, mais c'est. Il y en a une qui s'est mise sous tenue. Un autre moyen quand même. Attends. Non, mais Tamara, Sarah veut nous en parler. Apparemment, elle a souscrit au prêt. Non, mais il m'est arrivé d'être très gentil pour avoir un cadeau ou truc, mais gentil. Non, mais gentil dans le caractère. Oh non, mais dans le caractère d'être sympa, tu vois. Ah, d'accord. Je sais que c'est donnant. Par contre, il paraît qu'il faut se mettre bien avec son banquier. Il paraît. Eh oui. Mais oui. Ouais. Ouais, bah en fait, Sarah, toi, t'as 30 000 euros de dette. C'est ça, tu nous avais dit à une époque, t'avais de la dette. Pas toujours, 30 000. Ah, ok. Imagine, on te demande 4 photos nudes. Tu le fais ou pas? Et t'as plus de dette? Avec la tête ou sans la tête? Ah, je sais pas. Sans la tête, ouais. Alors, attention, le nude, c'est une garantie, les amis. Hein. Ah ouais. Le nude, c'est une garantie pour rendre l'argent. C'est-à-dire que Sarah, actuellement, serait à poil sur le web. Et elle serait donc fichée dans le dark web. Voilà. Parce que c'est bien dégueulasse. Allez, les amis, la dernière, elle est là. On parle justement Tinder. Sylvain, c'est parti. Tu vas aller rejoindre Pauline. Ouais, j'y vais, ouais. Eh bien, une news est tombée. Et sache que il y a une personne qui a matché. Hein, puisque, en fait, vous avez deux profils. Et puis, vous matchez ou pas avec la personne que vous avez devant vous, avec un membre de sa famille. C'est pas une balle. En fait, c'est un adolescent qui a eu une mauvaise surprise avec un match Tinder. En effet, le jeune homme balayé à droite sans regarder. Tu sais, il like, ouais. Et puis, il voit bien laquelle dit oui, quoi. Ouais. Et en fait, sa sœur était dans le lot. Il a discuté avec sa propre sœur sur Tinder. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient ensemble. En plus, ils sont ados les deux. Et il était extrêmement gêné. Ouais, mais moi, ça aurait pu m'arriver, tu vois, parce qu'avec tous les filtres qu'on met, etc., mon frère, il m'aurait pas reconnu. Je te jure, Sarah. Je te jure. C'est dégueulasse. C'est vrai que son père l'a regardé. Enfin son père. Oh non, mais il est pire que moi. Attends, ce j'allais mec. Dire une bêtise, tu vois. Dieu m'a puni. Ah, c'est fini, on arrête ce sujet. Sylvain, tu pars voir Pauline. Allez, j'y vais, j'y cours. Allez, c'est parti, on te retrouve dans un instant là, dans une minute avec elle chez toi, enfin dans deux, évidemment. Elle apprendra à la télé que t'es recherchée. Tamara, merci d'être passée, ma poulette. On s'est régalé avec toi. Ah, franchement, pareil, Rico, c'était du bonheur. Merci à vous et franchement, continuez comme ça, vous êtes géniaux. Merci. On t'aime, ma Tamara. Je te fais plein de bisous et puis tu raccroches pas, on va te faire un petit cadeau. Merci d'être passée pour faire comme Tamara. 0800 70 42 48, c'est le Tinder. Imaginez, Sylvain va piéger une inconnue qui pense le rencontrer chez lui pour trouver l'amour. En réalité, elle découvrira que lors de son rendez-vous amoureux, que le prince charmant n'est pas celui qu'elle croit. Comment ? Par la télévision, qui lui diffusera une bande-annonce pour l'annoncer recherché. Le Tinder de la peur, c'est maintenant sur Énergie. Eh oui les amis, une minute et on y va. Coé sur Énergie. Des jumeaux sont nés, ils voulaient donner les prénoms Griezmann et Mbappé. Mais non. Faut pas faire ça les amis, on sait pas quelle image ils auront ces joueurs dans quelques années. C'est vrai, faut penser à l'enfant. Moi, par exemple, je le ferai dans la sobriété. Je prendrai toujours un prénom d'un joueur qui a joué cet été, mais dans la sobriété. Je l'appellerai Frappe de bâtard comme Benjamin Pavard. C'est Coé, c'est à 17h, c'est sur Énergie et en podcast sur énergie.fr. Alors, il vient d'où ce Lucas? D'un cours de cuisine mythique. On apprenait à faire un plat thaï. Au début, je l'avais pas remarqué, mais à un moment, il s'est approché de moi les yeux embués pour me dire « C'est super épicé !» C'est bête, mais sur le moment, ça m'a fait pleurer de rire. Les belles histoires commencent souvent par un détail. Partagez de bons moments et rencontrez-vous aux événements mythiques. Rentrer chez soi. Savoir que ses moindres désirs sont exaucés. Tout est rangé, lavé, repassé, comme on l'aurait fait. Sauf que l'on n'a rien fait. Sinon, demander... Et être écouté, être compris, être conquis. Avec Shiva, ménage et repassage à domicile, vous allez adorer rentrer chez vous. Retrouvez-nous au 0811 46 46 46 au prix d'un appel local

leader de la peur. C'est le grand moment. C'est le Tinder de la peur. Eh oui les amis, on s'écoutera d'Adjou derrière. Ouais, chérie, tu es jolie, avec un corps impoli. Les hommes et Promise. Sylvain est en pleine drague, il accueille Pauline chez lui, enfin c'est ce qu'elle croit. Il est évidemment dans un appartement prêté, hein, il sort du violon à tout va, il est surtout dans la pizza, a priori c'est ce qu'on a compris. Et ça commence tranquillement à chauffer gentiment. On se connecte en direct de l'appartement, ça discute. Moi la pizza c'est matin, midi et soir. Oh, ah ouais. J'en peux plus. Toujours je malaxe, j'arrête pas de malaxer. Tu les manges aussi ou tu fais que de malaxer, faire des pizzas, c'est que le malaxer que t'as mieux. Non, c'est que t'as mis la pizza quand même sur moi. Bah oui, non, mais ce qui est bien, c'est que j'ai toujours un rouleau sur moi, tu vois. Ouais. Pour pétrir. Oh la vision. Comment ça, c'est un rouleau toujours sur toi? Ah bah il est toujours sur moi le rouleau. Bah, il est dans mon slip quoi le rouleau quoi. Oh non, oh, là, il est fin. Oh là là. Ouais, c'est un peu. Ouais, non, c'est vrai. Il est choqué. Ah, il est cash, hein. Ça se mange sans fin, comme on dit. C'est comme la pizza d'ailleurs. Hein, ça se mange sans fin, c'est ça. Ah, c'est. Oui. Non, c'est vrai. Toi, par contre, t'es plutôt artichaut, toi, non? T'es pas artichaut, toi? Qu'est-ce qu'il raconte? Ouais, non, t'aimes pas les artichauts sur la pizza? Mais quel rapport? Ouais, c'est pas quelque chose de. Oui, pourquoi parce pas? Parce que j'ai vu ton nude, il a l'air d'être sympa, ton petit artichaut. Ah non! Ah non! Il est fou, ce mec! C'est quoi, ce gars? Non, mais tu sais, ouais, je suis dans la vanne, moi, j'aime bien, je suis un vanneur, moi. Ouais, bah, c'est super. Ah ouais. Coluche, hein. Et dans la pizza. J'ai un niveau potage, comme on peut dire. Oui, un peu dans le... Ah bah, c'est ça, hein. Un peu drague. Ah, c'est mon père qui m'a donné ça, tu vois. C'est de famille, Ouais, c'est de famille, hein. C'est nous, on est assez vanneurs, hein, dans la famille. ouais. Vous êtes prenez là-bas chez vous. Ouais, bah tu sais, je suis italien, moi, d'origine. Hein. Allez. Ouais, pepperoni, tout ça. Calzone, là aussi, tu vois, c'est forcément, nous, on malaxe, je peux dire. Ah, mais je vois que c'est une obsession avec le malaxe. Putain, mais lâche la pizza un peu. Non, mais c'est vrai que. Non, mais c'est vrai que moi, la calzone, c'est un truc que j'adore, c'est que. Je sais pas, c'est. Tu vois, c'est noir, c'est. Enfin, c'est coulant, c'est. Enfin, tu vois, il y a. Ouais, c'est. Je sais pas, j'ai l'impression que je rentre dans un tunnel, tu vois, à chaque fois. Là, je rentre dans un tunnel et j'arrive pas à ressortir, tu vois. La calzone, en fait, c'est une pizza pliée, hein, ouais. Sur le. Ah ouais. C'est des fantasmes, en fait. Ouais, oh, je sais pas, c'est. Je sais pas. Pourtant, mon père me disait, ouais, la calzone, pourquoi tu. C'est toujours à fond sur la calzone, quoi. Ça a déjà tapé, il n'y a qu'à dire. Je crois que j'ai même essayé une fois, pour te dire, j'ai. Bah, le rouleau, j'ai introduit le. Ah ouais, j'ai essayé voir la sensation, quoi. Non, avec ta calzone, t'as. J'ai fait l'amour avec une calzone. Non. Elle va se barrer. Non, mais moi, je vais pas. Ouais, non. Elle va partir, putain. C'est inquiétant quand même, mais bon, ouais. C'est mignon. Non, mais en fait, j'essaie de t'imaginer, mais ça me. Je vais te dire, parce qu'en fait, tu vois, moi, j'étais puceau longtemps, tu vois. Ah ouais. Et donc, pour m'exercer, comme. Oh non, je peux plus l'entendre. Ah, je peux plus l'entendre. Il y a la tarte aux pommes et maintenant la calzone. C'est American calzone. Italian calzone. C'est un petit peu ça. Après American Pie, Italian calzone. Dites-moi ce que vous en pensez. Hashtag RicoChose sur énergie. RicoEnergie sur Snapchat. Et là, vous allez voir qu'il va monter d'un grade puisqu'elle va apprendre que ce fou est bel et bien recherché, jaloux de Dadju. Moi, je ne suis pas là, je peux vous le dire. Avec moi y'a pas d'histoire de c'est juste un ami. Ah, à qui tu veux faire avaler. Que ton corps ne dérange pas tes soi-disant amis. Mais t'inquiète pas, je ne doute pas de nous. Ensemble on est stylé. C'est pas une question de fidélité. Le problème ne vient pas de nous. Les hommes je les connais. J'ai moi-même été de l'autre côté. Oui j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie tu es jolie avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié. Interdit de les approcher. Avec le temps tu embellis. T'es mieux que ça pas l'hôtel. Il m'en veut pas de me méfier. Homme famille un peu d'amitié. Si je t'aime, je suis jaloux. Quand j'ai suis jaloux. Si je t'aime, je suis jaloux. Évidemment, je suis jaloux. Bébé, tu es le mien. T'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Mon bébé, tu es le mien. T'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Yeah. J'ai toujours pas à quoi tu t'attendais. Les hommes n'ont pas grandi dans la logique de devenir juste des amis. Je sais toujours pas à quoi tu t'attendais. Enlève-moi tout de suite toutes ces bêtises de ton esprit. Sois pas naïf, non, méfie-toi de tout et de tout le monde. En commençant par le sexe opposé. Si je te dis méfie-toi de tout et de tout le monde, c'est que mon tour finira par arriver. Oui, j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes. Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie, tu es jolie, avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. Avec le temps tu embellis, t'es mieux que ça Balotelli. M'en veux pas de me méfier, homme, femme, y'a pas d'amitié. Si je t'aime, je suis jaloux. Je suis jaloux. Si je t'aime, je suis jaloux. Évidemment, je suis jaloux. Bébé, tu es le mien. T'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Mon bébé, tu es le mien. T'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Je suis jaloux. Je suis jaloux. J'ai confiance en toi. C'est plus le Tinder de la peur, mais le Tinder de la calzone. Imaginez, Sylvain va piéger une inconnue qui pense le rencontrer chez lui pour trouver l'amour. En réalité, elle découvrira que lors de son rendez-vous amoureux, que le prince charmant n'est pas celui qu'elle croit. Comment ? Par la télévision, qui lui diffusera une bande-annonce pour l'annoncer « Recherché ». Le Tinder de la peur, c'est maintenant. Et les amis, c'est la fin. Elle va apprendre que Sylvain, qui est fou, eh bien, il est recherché. Hein. D'ailleurs, Amélie dit, il changera jamais. Sylvain, hashtag Ricochot sur énergie, il est toujours aussi fou. Et Maxence dit, merci d'être là, l'équipe, dans les moments difficiles. Vous me faites rire, vous êtes vraiment une famille. On vous lâchera jamais, les amis. Ouais. D'ailleurs, ajoutez-nous aussi sur Snap, Rico NRJ. On se connecte avec Sylvain. J'ai pas votre pizza, monsieur. Non. Bah non, je vous ai pas dit. Ah, je me suis fait agresser en bas de chez vous. Ouais. Parce qu'il est ivre. Ouais, ils ont piqué là. Ils ont piqué la pizza. Je suis désolé. Hein. Bah non, mais j'ai pas rien. Attendez. Et puis de toute façon, il y a un numéro service après-vente. Donc appelez service après-vente. Voilà. Il est livreur de pizza et a priori, la livraison n'est pas arrivée chez son client. Ah, le client se plaindrait. Quel acteur. Mais là, il est magnifique. Il fait semblant de passer un coup de fil. Je vous rappelle qu'il est avec son date et que dans un instant, elle va apprendre qu'il est recherché. On se connecte. De quoi ? C'est quoi ton livre de pizza là ? Comment ça Ah non, mais en fait, ouais, je t'ai pas dit, ouais, moi, ce que je fais, c'est que j'arrondis mes fins de mois, en fait. Une pizza livrée, une pizza au clair, comme j'appelle ça. Non, j'en vague pas, c'est un petit compromis, tu vois. Ouais, c'est pas grave. Ouais, je l'ai mis au régime. Bah ouais, t'abuses pas. Ah, je l'ai mis au régime, moi, je garde la pizza comme ça. D'ailleurs, tu la veux ? Non, mais attends, c'est un mytho. On entend mal, attention. De quoi ? C'est un mytho. Je cautionne pas du tout ça. Pourquoi tu cautionnes pas ? Bah non, mais bon, ça, c'est une pizza. Ils volent des pizzas. Ah oui, c'est normal. Ah, c'est bon. Ouais. Tu as goûté la pizza ? Non, j'ai pas goûté. Enfin, je vois. Ah, ça l'a dégoûté là. Je vais bien goûter, mais. Oui, rare. Ah, je peux te dire qu'elle elle est fraîche. Hein. Pas comme ce que je veux dire, toi. Oh elle est sans champignons. Elle est sans champignons en plus. Il est sans champignons. Il est dégoûtant. Il lui fait manger une pizza volée. Goûte. Mais elle veut pas. Elle est bonne ou pas? Elle goûte. Ah, j'avoue, elle est délicieuse. Ouais, j'avoue. Hein? Ouais. Et la sauce tomate? Ouais. Elle est toute maison celle-là. Je peux te dire. Ouais, j'avoue. Elle vient direct de la brique. Hein. Attends. C'est mieux ouais, ou pas? Franchement, j'avoue. Ouais. Attends, d'ailleurs, t'as un petit morceau là, sous le coin de la bouche. Là. J'ai ah, pas je vais vomir. Oh. Hein? Ah non, fais pas ça. Attends. Il va aller chercher. Mmh. Ah ouais. Oh, oh, oui. Ah ouais, attends. Je vais dire au chef qu'elle est vraiment bonne. Attends. Ah ouais. Mmh. Ah ouais. Ah, la sauce. Attends, ah, la sauce, elle est magnifique. Oh là là là. Qu'est-ce qu'il est bon, ce chef. Tu me mets mal à l'aise là. Ah ouais? Que tu fasses ça, bah ouais. Ah, tu vois, là, c'est la technique de la belle du clochard. C'est vrai, dans les spaghettis, pas une pizza, mais. Ouais, c'est pareil, hein. Ça reste italien. C'est bien. Bah, toi, tu restes le clochard. C'est sûr. Alors, arrête. Ah, tu veux les boulettes ou pas? Technique, là. Les boulettes, faut les chercher par côté. Oh non! Il est lourd. T'en rate pas une. Mais sa chef s'embrassait ou pas? Bah, on dirait, hein. Alors, je crois que tu es allé chercher la pizza, tu... Alors attends, vas-y croque. Alors croque à pleines dents. Voilà. Attends, bouge pas. Ah, j'aime bien ton petit cure-dent, moi. Attends, j'enlève ce qui. Attends. Oh, attends, non, t'as un bout de jambon, bout de jambon bout. Non, arrête. T'as un bout de jambon dans la dent. Attends, bouge pas. Ah, avec son pied jaloux. Oh, voilà. Mais c'est quoi ce pied jaloux? Ah, je peux plus le pif, frère. Les amis, ça y est, on va annoncer que s'il va y rechercher, ouais. Il a commis assez de mal. Ah ouais. Ah, les amis, derrière, il y aura un nouveau concept avec Sarah, concept exceptionnel, ouais. Inédit en radio. Vraiment, restez bien avec nous, on va se régaler. C'est le Tinder de la peur. On annonce Sylvain rechercher. C'est parti, elle l'apprend à travers une bande-annonce à la télé. Imaginez, Sylvain va piéger une inconnue qui pense le rencontrer chez lui pour trouver l'amour. En réalité, elle découvrira que lors de son rendez-vous amoureux, que le prince charmant n'est pas celui qu'elle croit. Comment ? Par la télévision, qui lui diffusera une bande-annonce pour l'annoncer « Recherché ». Le Tinder de la peur, c'est maintenant sur Énergie. Pub et on l'annonce recherché. Tous les matins, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Aujourd'hui, 3 décembre, c'est la journée nationale du cinéma indépendant pour défendre les petits cinémas qui diffusent des films indépendants, donc. C'est j'avoue bien. Que moi, j'y vais jamais dans ces cinémas. Ouais, ah bon ? On n'y va pas, mais ça fait bien de dire que c'est bien, sur le principe. Ouais, j'adore le cinéma d'auteur. Moi, j'y vais souvent. Il y a un cinéma où je vais souvent, et c'est un cinéma indépendant, si c'est vrai. Voilà. Et c'est souvent les films qui me font le plus pleurer, tu vois. Ah ben moi aussi, tu me mets là, je pleure. Hein. Mais moi, je pleure dès la caisse. Manu dans le 6-9. Manu, allez! 6h, 9h30 sur Énergie. On en parle. L'armée de terre recrute et forme 15 000 soldats dans plus de 100 spécialités. On en parle avec Alain, dont le fils a rejoint l'armée il y a un an et demi comme pilote de char. Bonjour Alain. Bonjour. Alors, quelle a été votre réaction quand votre fils a décidé de rejoindre l'armée de terre? Au début, ça surprend. Comme tous les parents, j'avais... un peu d'appréhension, les risques, l'éloignement, les voyages. En fait, j'étais pas très rassuré. Et aujourd'hui, vous avez un autre regard sur son parcours, du coup. Ah bah oui, je suis fier de lui. Il vit une aventure qui lui a permis de mûrir, d'acquérir des compétences et des connaissances. C'est impressionnant. Ouais. Et pour la suite, alors lui, comment il l'envisage ? Bah, il a vraiment envie de continuer. Et comme on propose un deuxième contrat à la majorité des militaires du rang, je crois qu'il a toutes ses chances. Et puis, ce qui est rassurant pour les parents, c'est que voilà, il a trouvé sa voie. Et surtout après, il sera accompagné pour un emploi dans le civil. Merci Alain. Et pour les parents qui aimeraient en savoir plus, bah, comme moi, ils peuvent aller sur le site s'engager.fr. On en parle. Chez Leclerc, nos forfaits mobiles s'appellent Réglo. Et c'est Réglo sur toute la ligne. Un nouveau forfait avec appel, SMS, MMS illimité et 40 gigas d'internet à 9,95€ par mois sans engagement, c'est réglo. Et vous avez la possibilité de faire appel à un vrai service client en magasin. Alors soyons réglo. Mobile. Leclerc. Forfait pour des communications intra-France métropolitaine hors numéros spéciaux. Disponible dans les centres Leclerc et sur réglomobile.fr. Offre soumise à conditions consultables sur le site. Alors, il vient d'où ce Lucas ? D'un cours de cuisine mythique. On apprenait à faire un plat thaï. Au début, je ne l'avais pas remarqué, mais à un moment, il s'est approché de moi les yeux embués pour me dire « C'est super épicé !» C'est bête, mais sur le moment, ça m'a fait pleurer de rire. Les belles histoires commencent souvent par un détail. Partagez de bons moments et rencontrez-vous aux événements mythiques. Mardi, il est arrivé un truc fou à Kevin. Il a été aspiré par un vaisseau extraterrestre. Si, si. Mais le plus fou, c'est que Kevin avait dans les mains une pizza large Domino's à 7,99€. Les mardis fous, toutes les pizzas, toutes les tailles sont à 7,99€.

Varane, c'est personne, c'est pas Griezmann, c'est une banane qu'on a pris. Ça, c'est de la merde. Moi, je suis dégoûté. T'es champion du monde, t'as pas le ballon d'or. Ça, c'est pas normal. Non, mais nous, on est les rois des cons. Voilà, je te dis, non, mais c'est vrai, je suis en colère. Allez, c'est parti, on se connecte avec Sylvain dans son appartement. On a vraiment bien chauffé. Un peu de piment sur tout ça, là tu m'as mis en condition. Oh, je peux te dire que là, j'ai trop envie de toi. Allez, dégage. Je dérape. Voilà, on s'est recherché là. Ça va ? Ah, tout de suite là. Ça envie de c'est ça ? C'est vrai. Ah, d'accord. Par contre, faut que j'aille à la salle de bain parce que le rouleau à pâtisserie là, il y a un peu de pâte dessus. Oh, perque. Ok. Il a besoin d'une fraîcheur. C'est une journée avant. Donc, tu sais, j'en ai roulé du truc là. On compare évidemment son pénis, hein, voilà. Ouais. Un rouleau de pâtisserie, ça fait plaisir. Non, non, t'inquiète, j'arrive. Ok ? Bouge pas. Alors, mon Sylvain. Ouais. Ouais, alors. Elle est chaude bouillante. Elle veut goûter la calzone. J'en ai marre des pizzas, je vais plus en bouffer. Je fais une indigestion. J'en peux plus. Je peux plus voir une pizza, je te dis. Allez, c'est parti, mets-lui les clips et on enchaîne. Je te mets les clips. Tiens. Voici ce qu'elle découvre en même temps que vous, les amis. Ce soir, les équipes de crime mènent l'enquête sur les traces du terrible Sylvain Potard. Il aurait été aperçu par plusieurs témoins dans le 16e arrondissement de Paris. Nous ferons un point sur cette enquête hors norme et sordide. C'est ignoble, hein, c'est de la barbarie. Il y a eu un acharnement comme ça sur lui. Dans quelle situation il a pu se mettre pour en arriver là, quoi. Malgré tous les crimes qu'il a commis, Sylvain Potard reste aujourd'hui introuvable, un véritable fantôme. Alors quand frappera-t-il de nouveau? Si au cours de l'émission, vous le reconnaissez, n'intervenez surtout pas vous-même. Appelez le numéro vert mis en place spécialement 0800 70 42 48 car cet homme est extrêmement dangereux. Il va surprendre les enquêteurs, c'est la sauvagerie. Crime, la traque du terrible Sylvain Potard, c'est ce soir sur Énergie 12. Ça y est, elle a l'info et j'embrasse Lucas de Normandie qui m'a envoyé un message sur Rico Énergie. C'est parti, on se connecte et on écoute. Quoi ? Un frère jumeau par hasard ouais. Bah non, je crois pas. Avec moi que mon père m'a rien dit, quoi. Pourquoi? C'est possible. Hein? Attends. Je vais. Par contre, attends, je voudrais juste récupérer mes clés dans mon sac. Dans la voiture, là, j'ai oublié mon téléphone. Bah, t'as besoin de ton téléphone, qu'est-ce que ça fait? Bah, j'ai oublié pour l'info, j'ai le chercher parce que tu sais, en plus, on était venus voir nous, quoi, pour que j'aille dans ma voiture, là, absolument. Ouais. Non, tu vas pas bouger, non, tu restes là, tu restes avec moi. Non, ça va. Vraiment, c'est. Attends, est-ce que tu peux te pousser, s'il te plaît? Pourquoi, Lucien? Non, je peux pas. Pourquoi, s'il te plaît? Arrête. Ah, t'es sérieux là? Ouais, bah oui. Qu'est-ce qu'il y a? Mais dégage! Oh! Madame, c'est une blague. Dis-lui. Vous êtes sur Énergie là. C'est en direct, vous êtes en direct sur Énergie. Sylvain n'est pas recherché, c'est juste une vanne, vous êtes à la radio, on vous suit depuis un petit quart d'heure sur votre date, il vous adore, il est fan de vous, je vous le dis, mais c'est une vanne, Sylvain n'est pas recherché. Ça va madame? Ouais. Vous êtes en direct à la radio, écoutez. Le Rico Show, c'est votre émission. Tous les soirs, 20h-23h, avec Aymeric Bonnery sur Énergie. Je m'appelle Aymeric Bonnery, c'est une vanne, ça va? Ouais, c'est quoi ce délire là? Je vous explique tout ça dans une seconde. On vous laisse redescendre, on vous laisse souffler, on va vous expliquer ça. Il y a les urgences du Rico Show. Il y a Christian notamment qui a eu une galère. Il a appris que son père trompait sa mère, il a besoin d'aide. Wow. Et Gabi justement qui a fait son coming out. Ça s'est très très mal passé. On lui vient en aide. Le canuille aussi. Et puis on aura la jeune femme qui a vécu ce moment avec Sylvain au téléphone. La promise. Are you drunk now? Now that judge what I'm doing. Are you high enough to a skills that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? Cause we're free to love, so tease me. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so don't get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. La jeune femme qui était avec Sylvain et puis les urgences du Ricochet arrivent. Beaucoup de galères ce week-end. Rejoignez l'équipe au 0800 70 42 48. L'appel est gratuit. Le Rico Show, c'est votre émission sur Énergie. Eh oui, Sarah, je sais que tu vas faire quelque chose d'inédit dans une demi-heure. Oh là là. Autour de l'immobilier. Raconte-nous ce que tu comptes faire, c'est inédit en radio. Alors en fait, je vais me faire passer pour une agent immobilier. Et dans le même appartement que Sylvain, je vais faire une visite à un mec. Donc super tard, j'ai laissé une petite annonce, tu sais, un peu partout sur des sites d'agents immobilières. Et en fait, c'est super intéressant parce que c'est un appartement à 800 euros au lieu de 1300 euros. Donc j'ai eu plein de candidatures, dont un qui va venir ce soir. Mais en fait, je serais pas normal parce que je serais une vraie peste. Et je vais faire la macho girl. Tout ce que vous êtes, les mecs, je vais me le permettre. Très bien, très bien. J'aime bien. C'est-à-dire que s'il a un beau petit cul. Oh, beau petit fessier, ça. Oh là là, j'aime beaucoup. Beau muscle, beau galbe. Beau galbe. Oh là là. On va se régaler lors de cette location. C'est un peu Sarah Plazour, quoi. C'est ça. Sarah et Cadour. Plazouille, on y est. Plazouille, la ch'touille. On va se régaler, les amis. Ça arrive dans une demi-heure. Et là, c'est les urgences. Mais avant, Sylvain, est-ce que t'as réussi à dire à ta prétendante que c'était une vanne? Elle a compris? Ouais, c'est bon, là, Léna, elle est avec moi, là. Ça va, madame? Ouais, ça va. Ça va, ça va? Tu souffles? C'est bon, il t'a expliqué? Il m'a expliqué, c'est bon. Ça, je n'y attendais pas du tout, et vraiment, je suis là, j'ai vraiment très peur. Bon, voilà. En tout cas, il te kiffe, il m'a parlé de toi vraiment tout le week-end, il te kiffe, détends-toi, tout se passe bien, et on te fait de gros bisous, et on t'offre une TV LED, c'est pour toi, c'est cadeau. Merci beaucoup. Allez, on t'embrasse. À très vite. On la laisse souffler, la pauvre, t'imagines. Du Tinder, du truc. Oh là là. Allez, c'est parti. On prend les urgences du Rico Show. On démarre par Christian. Ça va, mon Christian? Salut, Rico. Salut, les copains. Salut, mon poulet. T'as fait le 0800 70 42 48. T'as 32 ans. T'habites la Roche-sur-Yon. Qu'est-ce qui se passe, mon Christian? Ben, j'ai mon père qui m'a gentiment annoncé ce week-end qu'il trompait ma mère. Et il veut que je le couvre. Donc je suis un peu comme un con, hein, avec mon père d'un côté, ma mère de l'autre, c'est le bordel, quoi. Ah, c'est la galère. Quand t'apprends un truc comme ça et que t'es entre deux, c'est chaud. Tu l'as découvert ou c'est lui qui te l'a dit? Ben, c'est lui qui m'a dit, tu sais, avec ta mère, ça va plus trop et tout. J'ai dit, non, mais c'est maman, quoi. J'ai dit, tu peux pas lui faire ça, on a des valeurs, on a une famille et tout. Et elle me dit, ouais, mais t'inquiète, ça fait 30 ans qu'on est ensemble. Mmh. C'est juste pour le fun, quoi, sur redécouvrir une nouvelle jeunesse, mais j'y crois pas du tout, quoi. Ouais, mais si tu le balances, c'est parce qu'il a senti que t'allais le griller, peut-être. Ah, mais c'est possible. Mais moi, c'est arrivé à mon petit frère, avec mon papa, en fait. Il en est en vacances avec lui un été. Et nous, il nous a laissé avec ma mère au Kremlin-Bicêtre. Et en fait, mon petit frère a un appareil photo, il adorait prendre des photos. Et il rentre et il demande à ma mère de faire développer les photos, mon petit frère. Et sur les photos, bah, on voit toutes les vacances avec la maîtresse de mon père de l'époque et mon petit frère. Donc voilà, c'est comment elle l'a découvert. C'est pas vrai. À la bonne franquette, moi je pense que ta mère, ce que tu pourrais faire pour elle, c'est ce qui est arrivé dans nombre de cas de mes potes, c'est t'aide en fait. Il faut que t'aides ta mère à ouvrir les yeux sur ça. Je suis sûr que ton père, s'il t'en a parlé déjà à toi, c'est qu'il commence à ébruiter le dos. Il est pas bien de l'histoire et il va y avoir des indices. Et je pense qu'il va falloir que, voilà, pour pas que tu te mettes au milieu du dos, tu peux pas le dire franchement à ta mère. Ta mère, elle est dans un déni, elle pense pas que ton papa est capable de ça, mais mets-la sur la voie gentiment. Ouais. Je pense, Christian, gentiment. Bah oui, mais c'est ton rôle de la mettre un peu sur la voie. Et puis à toi de pas te fâcher avec ton papa aussi. Mais gentiment, t'inquiète pas, si toi t'es au courant et que lui il est pas à sa première tromperie, il doit y avoir des indices que tu peux mettre gentiment sous le nez de ta mère, hein. Bah oui, en plus voilà, comme tu dis, ils sont assez vieux, ils font pas des conneries, ils sont pas assez l'âge. Donc voilà, moi je pense qu'il faut qu'ils arrivent. Tu mets un peu les choses au clair et comme dit Rico, tu la mets un peu ta mère sur le fait accompli, tu vois. Et là elle va ouvrir les yeux et elle va même te remercier de l'avoir fait. Bien sûr, moi je pense que c'est ça. Bah oui, oui c'est ça. Non, mais là, c'est que c'est la famille et après trouver texte et tout ça, enfin, on a toujours plus de gueule pour les copains que pour soi. Bien sûr, mais après, je vais dire, Christian, ça arrive à tout le monde autour de cette table. Ouais. Voilà, toi, JM, tes parents sont encore ensemble. Ils sont encore ensemble, voilà. Ils sont tout jamais engueulés devant moi. Bah écoute, c'est ouf. Ouais. Sarah et moi, mes parents sont plus ensemble. Je peux te dire que malheureusement. Si, ils sont ensemble, ton père. Ma mère n'est plus avec mon père, mon père est avec ma mère. Moi, ça m'est arrivé. Je peux te dire que voilà, il faut tu montres un peu la voie. Sinon, tu vas t'embrouiller avec le padré derrière. Mais si lui te le dit, je pense qu'inconsciemment, il aimerait que tu l'aides. C'est sûr. Ouais, bah oui, c'est évidemment. Sûr. Il vient pas te voir en te disant, il sait que t'aimes ta mère. S'il vient te le dire ça, c'est peut-être que lui, c'est bon, il a envie de passer à autre chose. Il voulait te prendre le pouls un petit peu, voir déjà ta réaction. Et il a l'impression que peut-être toi, t'es prêt à accepter cette décision. Et donc, petit à petit, ça va se décanter. Hein. S'il commence à t'en parler, c'est que mon Christian, ça va se faire soit de son côté, ou soit tu vas un petit peu l'aider. Mais à mon avis, ça y est, hein, ça va se faire, ça, mon Christian. Aïe, aïe, aïe. Ouais, dans l'histoire, lui, il connaît mes valeurs. Il sait que moi, j'ai horreur de ça, les tromperies, tout ça. Mais c'est peut-être pour ça qu'il est resté avec ta mère, pour toi, pour l'approche de la famille. Ouais. Et il a peut-être fait le plus dur en t'en parlant. Et à mon avis, tu vas voir, ça va se décanter. Et ta mère, rapidement, elle va avoir l'info. Christian, ça va être peut-être la fin de tes parents sur une relation. Hein. C'est à moins qu'elle pardonne. À moins qu'elle arrête ses conneries. Elle veut, tu penses que ta mère pourrait pardonner ou pas? Je sais pas trop, c'est que c'est une femme de caractère. Mais Et est-ce que ton père, il a envie de rester avec? Parce que quand il vient te voir pour dire ça, c'est pas l'impression qu'il me donne. L'impression qu'il me donne, c'est de te dire, voilà, j'ai fait ça à maman. Il voit ta réaction et puis quand il voit que toi t'es passé à autre chose, peut-être qu'il va faire autre chose. Oh, non. En fait, je suis pris entre les deux. C'est soit je laisse se démerder entre eux et tout en étant conscient de la chose, ou soit je me mêle du truc. Mais si je me mêle du truc, c'est chaud, quoi. Faut prendre t'aides un petit peu. Faut que t'aides un petit peu, je pense, mon Christian. Ouais, je pense. Ouais. Tu nous tiens au courant comme ça évolue, mais je pense qu'il faut que tu files un petit coup de main à ta mère. Tu peux pas la laisser toute seule, parce que elle après va t'en vouloir. Et toi, tu peux pas non plus balancer à ton père, parce que lui va t'en vouloir de l'avoir balancé. Ouais, donc aide un peu gentiment, tu vois, fais l'entremetteur, ouvre les yeux, je pense. Ok, mon Christian. Ok. Tu nous tiens au jus, mon petit poulet, à te faire un petit cadeau. Je sais que c'est pas évident. On va te remonter le moral, ok, mon poulet? Merci beaucoup. On t'aime fort, mon Christian. Salut, Christian. Allez, les amis, on va aider aussi Gabriel qui a fait son coming out. C'est pas évident, c'est le feu dans sa famille. Aïe. On a tous des fois annoncé des nouvelles qui faisaient pas plaisir à nos parents. Ah ouais. Mais quand en plus c'est ta sexualité, c'est aussi différent et encore plus dur. On se met Banks et Ranks sur Énergie. It's never your fault. With a bang, bang, bang. Banks and Ranks, Sean de Paul. Zao. Aho. C'est action vérité, t'aimer ou te quitter, et l'histoire est sans cesse répétée. Qui commettra la faute, qui de nous deux claquera la porte? On dirait bien que l'enfer, c'est les autres. Tu sais qu'on en a, tu sais qu'on en a, c'est qu'on en aura mal. Bang, bang, bang. Jamais de ta faute. Ce n'est jamais de ma faute. compulsive. On se renvoie la balle et tout redevient normal. Jusqu'à ce que tu tires là où j'ai mal. Tu sais qu'on en a. Tu sais qu'on en a. C'est qu'on en aura mal. Stupidity is incredible. Try lock you up for your rage is staple. Bull be a stun like them name Carnival. Do your bad things that I feed them ego. Turn around, tell them I'm your real amigo. Bad problem, c'est pas ta faute. Ce n'est jamais de ta faute. Ce n'est jamais de ma faute. Remballe ton ego. Allez les amis, on est avec vous jusqu'à 23h. On parle déjà Ballon d'Or avec Mickaël, hein, que vous retrouvez à 23h évidemment. C'est les urgences du Rico Show et derrière dans 5 minutes le canuit. Mon Sylvain est là aussi. Le Rico Show, le Rico Show. Tous les jours 20h 23h. Alors, on dit merci qui ? Merci énergie. Les amis, n'hésitez pas à vous connecter sur Snapchat, à nous ajouter Rico NRJ. N'hésitez pas à vous foncer puisqu'il va y avoir des jeux qui vont tomber d'ici 23h. Donc Rico NRJ et évidemment le standard 0800 70 42 48. Mon Sylvain. Ouais. Le Tinder, ça a été bien. Ah bah écoute, on a bouffé de la calzone. Hein. Ah ouais, ah oui. Ça, j'en peux plus. J'en peux plus de cette calzone. C'est Gabriel qui est là, qui a fait le 0800 70 42 48. Ça va mon Gabi? Ouais, salut, ça va? Ça va, mon poulet. Gabi, t'as eu une galère ce week-end là, raconte-nous un petit peu. Bah ouais, c'est une grosse galère qui était pas attendue. C'est qui s'est passé, j'étais en train de manger avec mes parents samedi dernier. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai annoncé que j'étais homo. Mm-hmm. Ils avaient déjà des soupçons vis-à-vis de mon homosexualité. Bien sûr. Mon père, il est arrivé, il m'a regardé, mais grave chelou, il m'a dit pardon, comme ça, mais genre what the fuck. Ah genre, il était pas prêt quoi. Ah non, mais pas du tout. La mère, elle est arrivée, elle s'est levée de terre, elle a fait « Moi, j'ai plus faim, je vais aller pleurer dans le salon. Oh » et comme ça, toi, en plein milieu du repas, sans sommation, tu t'es dit « J'annonce. » Entre le fromage et le dessert. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, mais on est en train de manger le petit pot de la crémière. Voilà. Et du coup, tu t'es fait cul de la crémière. Bah, du crémier plutôt. Ouais, du crémier, pardon mon gamin. Alors nous on en rigole, je vous dis pourquoi on en rigole. Parce que voilà, on fait partie de la nouvelle génération et ça nous pose plus aucun souci cette histoire de sexualité différente ou pas. Parce que ce qui est une différence finalement, je ne sais pas. Mais ça nous pose aucun souci mon gamin. Donc on en parle très librement. Tout à fait. C'est vrai que c'est dur parce que quand ta famille elle est pas prête à l'encaisser. Tu vas dire, moi je vais te dire, ma famille, ça n'a rien à voir. Mais ils n'étaient pas prêts à encaisser l'envie que j'avais de faire des médias. Hein, et ils me voyaient pas du tout faire ça et j'ai dû faire des choix dans ma vie qui étaient vraiment opposés à ce que voulaient mes parents pour moi. Et quand je leur ai dit ça, je me rappelle d'une réunion, il y a tout le monde qui pleurait chez moi. Ma mère, ma soeur, mon père. Chez moi, ça s'est passé la même chose. Mais et mon père, il m'a regardé, il a pété l'assiette. Il a fait, mais tu te fous de ma gueule comme ça. Il m'a dit, bien sûr, tu te fous de ma gueule. T'as 18 ans, façon de dire, c'était. Façon de dire, t'as 18 ans, c'est maintenant, t'es majeur et tout, comme on dit. Et alors, t'es majeur, tu peux avoir envie d'être avec un. Et du coup là pour l'instant c'est comment? Tu vis chez tes parents Gabriel, c'est ça? Alors maintenant je vis plus chez mes parents. Je suis parti dans la nuit de dimanche à lundi aller voir mon homme qui est venu me chercher en urgence, qui est une excellente preuve d'amour. Bien sûr. Sachant que l'amour n'a pas d'âge, n'a pas de sexe défini, et qu'il n'y a pas de couleur et qu'il n'y a pas d'âge. Et là depuis tes parents ils t'acceptent plus, ils t'ont pas envoyé un message, ils font quoi? Mes parents ils m'ont fait oh t'es allé avec la mauvaise personne, oh mais de toute façon on voulait que tu te fasses avec une fille, on pensait que t'allais avoir des gamins. Et ils sont contents que tu sois parti de la maison du coup? Ça fait presque ressentir ça, parce que j'ai plus de nouvelles d'eux, et vu combien on m'a envoyé sur les roses... Mais tu fais quoi dans la vie, Gabi? Tu bosses, t'es étudiant, t'es au chômage, tu cherches un emploi, tu fais quoi? Je suis au chômage, et je recherche dans tout ce qui est du domaine de la sécurité, et ainsi que dans les domaines de l'alarme incendie, précisément. Bon, mais même ça... Gabi, si quelqu'un entend parler de ça, t'es de quel coin, toi, Gabi? Je suis du 74, de la 74 de Savoie et tout. Vous n'hésitez pas, ricochot@energie.com, on transmettra à Gabi. Sylvain. Non, mais après, ses parents, il faut qu'ils digèrent la banana split. Ouais. Non, mais c'est vrai. Banana split, là, c'est double crème machin. Et après. C'est la complète signe calzone. Non, mais après, je pense que c'est. Tu vois, c'est un peu le coup de la. Ouais. Entre guillemets, de. Voilà, ils apprennent la nouvelle en pleine face, forcément, c'est un peu dur. Et après, il faut qu'ils digèrent. Et je pense qu'ils vont revenir vers toi, parce qu'ils t'aiment, donc forcément ils vont pas te laisser comme ça. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'ils sont de la vieille France. Ils sont sur le stéréotype, la mère, le fils, le père et la famille complète. Bien sûr. La belle tradition française des années 50. Mais moi je lui ai dit, juste avant que je me barre, parce que je suis arrivé, je suis allé dans ma chambre, j'ai pris toutes mes affaires, mais dans le vif, en une demi-heure, j'avais déjà tout fait et tout. Ah, oui. J'ai préparé ce truc, on va dire, franchement, j'ai préparé ce truc un petit peu à l'avance, c'est-à-dire que le matin même, à 7h du matin, j'avais appelé mon mec, je lui dis, est-ce que c'est possible que tu viennes me chercher, parce qu'aujourd'hui je vais faire mon coming out, je risque de me faire foutre dehors. Et Gabriel, alors moi, la seule chose que je peux te proposer, c'est que tes parents, ils vont prendre le temps d'encaisser, hein, gentiment de leur côté, parce que voilà, c'est pas évident pour eux, faut leur laisser jusqu'à, je vais te dire, 4-5 jours pour endosser la nouvelle, et voilà, laisse-leur la semaine quand même, avant qu'ils soient considérés comme débiles, tu vois. Et après, et après essaye toi aussi de faire un pas vers eux, et puis après, vraiment, si t'as besoin de nous, on peut essayer un jour de vous aider et puis de voir si on peut pas avoir tes parents pour les si tu cherches des intermédiaires même en antenne ou à l'antenne on peut voir aussi et te filer un petit coup de main. Bien Gabi sûr. Tu laisserais vous reposer tranquillement quelques jours et puis avec Sarah on va te rappeler d'ici 48 heures, ok mon Gabi? C'est cool parce on te lâche pas mon frérot, on te lâche pas. Moi je te dis laisse-leur la semaine gentiment, tout va bien se passer, souffle un peu. Mon Gabi, voilà, laisse-leur digérer la nouvelle et puis nous on est là pour toi. Tu raccroches pas, on va t'appeler dans les 48 heures, laisse-les digérer et on sera là pour toi, ok Gabi? Yes, et je voudrais remercier encore mon homme qui est venu me chercher, qui a pris de son temps à venir me chercher et tout. C'est une belle preuve d'amour, vous voyez. On l'embrasse très fort, il s'appelle comment Gabi? Christophe, on t'embrasse très fort, bisous, évidemment. Et puis mon Gabi, reste bien avec nous. On va prendre tes coordonnées, on va t'aider. Les amis, on va se faire le casting de Rico Inversé. Yes, c'est bien ça. Et en fait, d'habitude, c'est toi qui fais passer des castings, tu sais, de chant aux gens. Et là, c'est toi qui vas passer un casting. Je t'ai trouvé un petit prof de chant. D'accord. Et moi, en fait, je me suis fait passer pour Mamie Rico. Et en fait, mon petit-fils va devenir rappeur. Donc, je t'ai trouvé un prof de chant. Il attend ton coup de fil. Là. Il s'appelle Bruno. Très bien. On va se régaler, ma Sarah. On se fait ça tout de suite. Vous bougez pas, les amis. On est là jusqu'à 23h et surtout Sarah l'immobilier arrive. Oui, j'ai peur, ça pour va être génial. Toute première fois on fait un concept inédit en radio. La playlist suprême est de retour sur Énergie pour Noël. 50 000 euros à gagner sur Énergie. La playlist suprême Énergie, c'est Angèle, Marshmello, Big Flo et Oli, Marmek et Smack. On a des souvenirs. 3 cafés gourmands. Cette playlist sera jouée sur Énergie une seule fois, dans cet ordre précis, aujourd'hui ou avant fin décembre. Soyez attentifs. Dès que vous l'entendez, appelez Énergie 3937 et gagnez la somme folle de 50 000 euros. On t'arrête de jouer maintenant, on approche de l'Espagne, je vais exploser ton forfait. Ah ça va, je m'en fous. Quoi? Hein? Tu dis quoi là? Non, je te disais qu'avec mon forfait mobile free, j'ai 25 gigas d'internet inclus dans plus de 35 pays. Alors tu vois, on pourrait même aller en Australie que je pourrais encore jouer. Ah oui? Bah ouais, j'ai même les appels SMS et MMS illimités pour le même prix toute l'année. Bien, merci prix. Offre soumise à condition sous réserve de couverture. 25 gigas octets en 3G, facturation au-delà. Hors numéro surtaxé, plus d'infos sur mobile.free.fr. Bon, bah t'appelleras donc ta grand-mère tous les jours. Ça va me coûter. Découvrez Oh My Mag, le nouveau magazine féminin pour se faire plaisir. Beauté, déco, food, sortie. Retrouvez les meilleurs do-it-yourself, nos recettes du réveillon et les dernières tendances beauté. En cadeau dans ce numéro, un poster à colorier, 12 stickers de Noël et nos cartes astro illustrées. Oh My Mag, le magazine pour s'ouvrir aux autres, rêver et partager. Actuellement chez votre marchand de journaux et sur prismashop.fr. Vous

est en danger. C'est le cas nuit. Le canular de la nuit sur Énergie. Et oui les amis, et je suis comme un ouf puisque Sarah est agent immobilier ce soir. On se fait ça dans un quart d'heure. Ajoutez-moi tous là pendant le canu sur Snap. R-I-C-O-N-R-J. Pourquoi ? Parce que je vais sélectionner deux personnes de Snap et une personne au standard 0870 42 48 puisqu'on va se faire un petit jeu et tout le monde va avoir l'opportunité de gagner. Alors sur Snap, Rico NRJ. On y va Sarah ? Yes, on va chez Bruno, un prof de chant et je l'ai appelé cet après-midi, il pense que je suis blindée en mode Madame Jacquin et que je veux payer un an de cours de chant à mon petit-fils qui chante très très bien, pas vrai ? Eh oui, issu de la racaille. Hein. Vous allez voir. On va se régaler. Je vais l'appeler en wesh wesh comme il adore. C'est parti. On appelle donc Bruno. Oui. Eh oui, évidemment, comme t'es blindé, à coup sûr, il va dire que je suis performant. Ah bah c'est sûr hein. Il va vouloir que je racque. Ah oui, il est payé pour. C'est parti, on y va, on appelle Bruno qui va m'apprendre à ziquer. À rapper quoi, carrément. Oui. Yo. Fais-nous rêver. Allô ? Oui. Ah oui. C'est le prof de chant dont je t'ai parlé. Et oui, le prof de chant. C'est Bruno, c'est ça ? C'est ça. Oui, c'est Bruno. Alors je vous laisse avec lui, je vais voir le gratin, je vous laisse. Allô ? Ça va, Nobru ? Nobru, c'est en verre, ouais. Ouais, ça va Nobru. C'était dur, là, en ce moment, je te jure, frérot. C'était dur. C'est vrai. Ah ouais, c'est la Zermi, je te jure. Alors, écoute, moi, je suis plein de positifs. Vas-y, c'est bon. Je peux t'en donner, mais à revendre. Vas-y, avec plaisir. Alors, moi, j'ai envie de me lancer dans le champ. T'as vu, j'ai envie de faire comme à la télé. Les gars, ils sont là, ils ont l'oseille, ils ont tout. Brabrabra, ça tombe. Est-ce que t'as déjà chanté ? Moi, un petit peu. Il y a un petit grain, t'as vu ? Un petit grain. C'est quoi ton prénom, mec ? Bah, déjà, c'est ça, parce qu'il faudrait trouver un blaze. La vérité, c'est que je m'appelle Jean-Gérard Rachid. Ça veut dire que t'as une influence là. T'as rigolé, j'ai entendu, t'as rigolé. Pourquoi tu rigoles toi aussi ? Je rigole pas. Excuse-moi. Super. Ok. Vas-y, je te montre ce que je suis capable de faire. Avec plaisir. Vas-y. Je suis pendu à tes lèvres, mec. Vas-y, t'es un frérot, toi. Qu'est-ce que tu fais là ? Des beatbox. Vas-y, viens, on repart. Attends, viens, on repart ensemble, vas-y. Jean-Gérard Rachid, il m'a dit t'es où ? Je t'ai rejoint au Tello. Ouais, moi je m'en bats les reins. J'ai besoin d'un vrai Joe. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas ton blanc B. T'as maté le fessier. Yo Bruno ! Yo, yeah, c'est Bruno ! Cimer à Bruno ! Ouais, j'aime bien ça. Bravo frérot. Yes, papa ! Bon, écoute, on se voit quand ? Bah vas-y, je dis à ma grande rhum là. Ça marche. Elle est en train de mettre sa couche là, elle a des fuites urinaires, je te jure. C'est pire qu'un chat de gouttière. C'est l'âge. Ah ouais, j'ai envie de la faire. J'espère que tu connaîtras pas ça plus tard, Inch'Allah. Oh, Inch'Allah. Attends, je te la repasse, elle est sortie de la litière. Ça marche. Allô ? Oui, allô ? Oui, Bruno, ça s'est bien passé ? Pour vous parler franchement, il est en détresse. En détresse ? Ah oui, vous ne ressentez pas ça ? Bah, je le trouve un peu agressif, mais... Attends, dis que non, je suis en détresse, je vais sauter. Je vais sauter par la fenêtre. Non, saute pas. Je vais sauter. Bruno, prenez-le au téléphone, il veut sauter par la fenêtre. J'ai mis le haut-parleur, dites-lui de pas sauter. Je vais faire le con, Bruno. Allô ? Je vais faire le con, Bruno. Franchement, j'ai marché. Je vais faire le con, Bruno. Je vais faire le con, Bruno. Oh non, on nous a cramé. Oh là là, mais quel bar de rire. Inch'Allah, ça va marcher. Oh hey, le gars, t'inquiète mec. Il est trop drôle, il s'adapte. Hey, il voulait vraiment l'oseille du cours celui-là. Ouais. Allez les amis, Sarah en agent immobilier et je vous prends tout de suite, inscrivez-vous 0800 70 42 48, appel gratuit et sur Snapchat Rico NRJ. Vous inscrivez, on vous prend la patate chaude arrière. Vous allez être représenté par une des personnes qui appelleront. D'accord l'équipe ? Ouais. Yes. On se régale, on est là jusqu'à 23h. J'ai hâte d'avoir Sarah en agent immobilier. Oui, là là. Oh là là, j'ai hâte. Allez, Maître Gibbs, le pire. Un vrai artiste. Le pire, c'est pas la méchanceté des âmes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Je suis posé sur mon divan, je regarde la télévision. Explique-moi ce qui se passe, comme si j'avais 10 ans. Assombrir ma vision, pourtant le soleil est présent. Les gens qui font la morale avec une veste en vison. Ou peut-être simplement qu'on a perdu la raison. La vie est un terrain glissant, mais dans quel monde nous vivons ? Stop. Et en effet, le mal est fait. Mais stop, stop, stop. Car en effet, le mal est fait. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. suis obligé de répondre que les points sont trop pleurés. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Je me rassois sur le divan, toujours la télévision. Obligé de plisser les yeux, rien à l'horizon. Je vais raconter mes problèmes à des gens qui vivent dans l'aisance. Ils vont me prendre au sérieux que si je m'asperge je descends. Ou peut-être que tout simplement je n'intéresse pas grand monde. J'ai peut-être une valeur marchande aux yeux de quelques passants. Stop. Et en effet, le mal est fait. Mais stop, stop, stop. Car en effet, le mal est fait. Le pire, c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons ont trop pleuré. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Mais dis-moi ce qu'on a fait. Le pire c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Le pire c'est de ne pas profiter du temps qui nous reste à vivre. Le pire c'est de ne pas reconnaître tout ce qui nous arrive. Le pire c'est pas la méchanceté des hommes, mais le silence des autres qui font tout semblant d'hésiter. Et quand les enfants me demandent pourquoi la mer est-elle salée, je suis obligé de répondre que les poissons. Vous avez kiffé Emric en racaille, wesh wesh, c'est sympa ce moment, je kiffe, nous dit Betty. Et puis Babouchka dit ouais, Jean-Gérard Rachid, t'es insensible toi, MDR. C'est vrai qu'on s'est marré comme des oufs. D'ailleurs, vous inscrivez Rico NRJ, je vous appelle tout de suite, et 0870 42 48, parce que Sarah magouille hein, ce soir, est agent immobilier, mais là on se fait la patate chaude. Tout le monde se la refile ? Elle, c'est la patate chaude. Et elle peut exploser à tout moment. Eh oui les amis, comme la Sarah Magouille qui part dans son logement là dans 3 minutes. C'est okay ça, Madame Magouille par Madame contre. Magouille, merci, pardon, hein, c'est Sarah Magouille. Très bien, ok, on départ patate chaude. Yes. Attention, Romain représente salut, Sarah. Ça va, ça va mon Romain? Ah, salut. Salut. Salut. Alors Romain, toi tu mises tout sur Sarah, c'est ça mon poulet? J'y crois à fond, on y t'as croit. T'as raison. Hein. Ok, elle te représente. Il y a Jérôme aussi, ça va Jérôme? Salut Rico, salut l'équipe. Salut, salut mon Jérôme, salut. Tu mises sur qui? Sur Sylvain, moi le meilleur. Ah, très bien mon Jérôme. Merci. Et puis il y a Naomi. Ça va Naomi? Salut l'équipe, comment vous allez? Eh ben, écoute, on est en pleine forme. C'est la magie de Snap, on s'écrit avec toujours. Naomi. Oh, j'adore. Rico Énergie, pim pam pim, vous arrivez, vous jouez. Hein. Naomi, tu choisis qui? Toi. D'accord. Non, il joue pas lui. Naomi, je ne joue pas. C'est lui qui pose des questions. Et il reste JM, donc tu as choisi JM. Bravo Naomi. Merci beaucoup. Personne ne veut. Super choix. Attention, démarre. Top à la patate chaude. Quel nom donne-t-on à l'élevage des huîtres, Sarah? Ah, des huîtriers. Non. Oh là là. Allez. Bah, des viticulteurs. Ok. Non. Non, je sais pas. Passe. Des ostréiculteurs. Oui. En quelle année le mur de Berlin est-il tombé, Sarah? Ah, 1981. Pardon? Je sais pas. Vas-y, passe, je t'en supplie. 1989. Combien une mouche a-t-elle de pattes? 4. 6. Dans quel dessin animé retrouve-t-on les personnages de Salamèche et Pikachu? Ah, Pikachu. Pokémon. Mauvaise réponse, c'était Pokémon. Quelle saucisse accompagnait traditionnellement le couscous? La merguez. Bonne réponse. Au Blackjack, combien de points vaut un valet, Sylvain? Blackjack, moi je suis jamais au casino, 10 points. Bonne réponse. C'est un malentendu. Attention, JM, comment appelle-t-on les deux os qui forment les mâchoires? Je sais pas. Les maxillaires. Ouais. Quel fromage entre dans la raclette traditionnelle de salade grecque? La mozza? Non. Une autre question. La feta. En quelle date de l'année célèbre-t-on l'Assomption? 10 novembre. Ah bah c'est le cas. Je comprends Noémie. Ouais, et oui, l'Assomption. À l'Assomption. Oh, arrêtez, articule. Naomi, oui. Tu vas repartir sur Snap aussi vite que t'es arrivé. Ah, fallait pas me choisir, cousine. J'ai comme ça ces questions aussi là. C'est pas gonflé là. Naomi, je vais quand même te faire un petit cadeau, d'accord? Ah, c'est trop d'accord. Gentil, merci beaucoup. Hein, on a des places de cinéma ou pas derrière pour Robin des Bois? Tiens, tu vas aller voir Robin des Bois. Ah ouais. Ok. Essaye d'y aller avec un mec intéressant, Naomi. Ah, c'est pas un cadeau, JM. Je t'embrasse, ma Naomi d'amour. Plein de bisous, on t'aime. Et merci de m'avoir ajouté sur Rico NRJ sur Snap. On repart, vous êtes prêts? Oui. Sarah, Sylvain, c'est la finale. Romain, il est pour Sarah. Allez, yes. Sarah, c'est parti. T'inquiète. Jérôme, il est pour Sylvain. Allez, Sylvain, je compte sur toi. Allez, moi, GG. Attention, j'ai des bocalos. J'ai des enceintes, j'ai des écouteurs, il y a de la Wonderbox. Et derrière, Sarah partira en tant qu'agent immobilier accueillir la personne qui va louer son appartement. Attention, top, c'est parti. Quelle unité de mesure de fréquence a pour symbole les lettres HZ? HZ, hertzienne. Bonne réponse. Ah ouais. Oh là selon là. Le proverbe, que ne faut-il pas mettre avant les bœufs, Sylvain? Bah la charrue. Bonne réponse. Quel animal hennit, Sarah? L'âne. Le cheval. C'est toi l'âne. L'âne, c'est toi. Dans le roi lion, quel animal est Pumba? Alors Pumba, c'est pas Timon. Pumba, c'est un sanglier. Qui pue. C'est cher. Ouais, c'est pareil. Quelle plante potagère fournit l'ingrédient principal de Larissa? Ah, le piment. Bonne réponse. Quelle fleur est associée au 1er mai, Sylvain? Le muguet. Quel est le nom donné à la grande cloche de la tour de l'horloge du palais de Westminster à Londres? C'est une blague. L'horloge à Londres. Ah, le Big Ben. Bonne réponse. En poésie, combien de pieds possède un vers appelé décasyllabe? Mais t'es sérieux quoi? Décasyllabe. Déca, 10. Bonne réponse. Attention, quel adverbe est considéré comme le mot le plus long du dictionnaire, Sarah? Anticonstitutionnel. Le... Bonne réponse à la pétanque. Comment appelle-t-on une équipe composée de 3 joueurs? Une triplette. Mais moi j'adore la triplette. Jérôme, Sylvain l'emporte. Oh non. On y est presque. Sylvain l'emporte. Et c'est Jérôme qui repart avec son cadeau. Mon Jérôme. C'est ça, mon Jérôme. Bravo Sylvain, bravo. Bisous. Merci. Sur le gong, le nez. Ça fait 2 soirs de suite qu'il gagne. Mais il gagne tout le temps. Il gagne tout le temps. Exceptionnel. Parce qu'en plus, sur anticonstitutionnellement, t'as fait durer. J'ai joué la stratégie. Allez, Sarah Magouille. Va faire de l'immobilier, va. T'es bonne qu'à ça. Romain, je suis désolé, c'était un cheveu là, Romain. Oh, c'est pas grave, bravo, ça va. Merci, Romain. Et Romain, je vais te faire un cadeau, t'es un amour et j'aime cet esprit fair play. Romain, tu reviendras. Tu sais, c'est ton émission, mon Romain, va te faire un cadeau, tu raccroches pas. Merci à vous. Ciao. Bisous, mon Romain, on t'aime. Et bisous, mon GG qu'on aime. Ah oui. Ouais, bisous, je vous adore. Rico, je t'adore. Je t'aime, mon Jérôme. Merci d'être là, vraiment. Ouais, t'es une bombe. Plein de bisous, mon Jérôme. On t'aime fort. Et c'est un bonheur, franchement, de vous avoir. Sarah, c'est parti. Concept inédit en radio. C'est maintenant. Sarah est agent immobilier, rendez-vous compte. Et puis, vous savez, on a eu un pervers. Vous vous rappelez? Ce pervers. Si, on l'a eu vendredi, vous étiez comme des oufs sur lui. Vous vous rappelez ce qu'il nous avait dit? Il avait dit ça. Raconte-moi un peu tout ce que t'as fait avec tes coucouilles. Ben, une fois, il y a une femme qui m'a ouvert le sac, elle les avait sortis, et elle avait recousu le sac après. Voilà, en partie, eh bien, on l'aura au téléphone, et ce soir, il m'a envoyé un petit SMS. Il veut aller plus loin lors de notre rencontre. Encore plus loin. Jérémy Frérot, revoir les amis, et Sarah file. File, c'est parti. C'est parti, la calour. Agent immobilier, celle-là. À l'aube du grand tournant, non, il n'est pas fait. Ce qui plaisait pourtant, tant de déjà fait. Tous ces beaux paysages, là, je peux s'en moquer. Mais pousser les nuages, nous devons y pas. Ces pensées à lever sur cette lune les yeux. Pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes. Pleines de brume, ceci. Pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur, sans peur du ciel, en idée éternelle. Non, non, non, le temps a abjuré sans peur du sel, le naturel. D'une note passée, penser à le. Sur cette lune, les yeux, pour que nos plumes s'émeuvent et rendent fortune à nos têtes pleines de brume. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Ceci n'est pas un au revoir, car je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Et si tu as peur du cadran, oh, regarde bien tous ces gens. Ce n'est pas un rêve, c'est la vie. Ceci n'est pas un au revoir, je pensais plus du haut. Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. Ah, ceci n'est pas un au revoir. Je pensais plus du haut. Revoir. Concept inédit en radio qu'on vous propose, Sarah est agent immobilier. Il s'appelle Aymeric Bonnery. Son surnom, c'est Rico. Et vous venez d'atterrir dans le Rico Show sur NRJ. De 20h à 23h. Eh oui, les amis, on s'écoutera aussi que du bon son Imagine Dragons. Happier. Et Say My Name. Un super programme là pour terminer le Rico Show jusqu'à 23h les gars, on va que kiffer. Ah déjà oui. Parce que Sarah inaugure un concept de folie, je sais pas trop ce que ça va donner, c'est vous qui allez décider. Après le Tinder de la peur, le VTC de la peur, on a Sarah qui est agent immobilier, elle reçoit en fait un futur locataire. D'accord. Dans l'appartement où Sylvain a tindé il y a peu. Hein. Ouais, ouais, ça sent un peu d'ailleurs. Ça sent un peu la calzone, hein, dit-il. Et du coup, les amis, elle doit essayer eh bien, de voir si le locataire est convaincant pour avoir les lieux. Sauf que l'appartement, vous allez voir, et ça est remontée. Vous allez voir, elle m'a dit un petit peu ce qu'elle allait dire. Je pense qu'on va se marrer. Je pense qu'on va kiffer, puisqu'en fait, elle veut être un peu en mode macho. D'accord. Tu vois, comme les mecs, mais en fait, les rôles sont inversés. C'est la meuf qui parle un petit peu vulgairement à l'homme, quoi. Hein, en mode domina, quoi. Voilà, en mode domina, en mode comme il faut, quoi. Ouais, comme on adore. Ok. Derrière les habits, on se fera plein de choses. On aura notre pervers, vous le savez, avec qui on a rendez-vous. On a, t'es à lui. Il y aura la boîte à deux dos, voilà, concernant tous les dossiers de l'équipe. On est bien. Allez, on se connecte avec Sarah, parce que je crois qu'elle a eu un peu de mal à rejoindre l'appartement. On va la prendre. Hey, magouille. Ouais, j'y suis, je l'ai vu par le balcon là. Normalement, il va arriver dans quelques secondes. Mais va le chercher, il va pas monter tout seul. Mais si, il a les codes, il a tout. Hein. Ben vas-y, ben, va le chercher. C'est le locataire à résumer. Bonjour, enchanté, Sarah Magouille, bienvenue. Sarah Magouille. Ah, magouille. Alors, est-ce que vous pouvez marcher jusqu'au. Voilà. Bon petit cul, hein? J'aime bien. Là, on finit bien. Hein? Ça a été le vent plein air, ça. Ah, bah attends. Hein? Sans ONG. Bah non. Sans ONG, sans OGM. Il y a quelque chose. Je ferais bien une petite grillade, un petit barbecue. Allez, hop. Comment vous allez? J'ai votre dossier sous les yeux. Bon, vous n'êtes pas comme sur la photo, par contre. Hein. Comment je dois le prendre ça? Mais je sais pas, y a, sur la photo il n'y a pas de bouton et là il y a des boutons plein la gueule. Oh non ouais, mais... Et les filtres, bah, on va le placer pour parler. Ça bourgeonne, pourtant on n'est pas au printemps. Hein. C'est la connasse quoi. Ouais. On en a peur. Bon, alors, vous venez d'où vous monsieur? Moi je viens d'à côté de Paris. Vous avez des beaux yeux. Hein. Ah c'est gentil, merci. Ouais, il y a quelque chose. Sur la rétine droite. Le dossier c'est ni fait ni à faire. Hein. Ouais, ça va pas. Là, les revenus, c'est pas assez. Ah, mais non, vous inquiétez pas, c'est mes parents qui vont payer. Petit fils de Richman, les parents qui payent. Hein. C'est sympa tout ça. Moi, il le mérite. Hein. Vous allez voir ce que vous allez mériter, vous. Vous allez voir. Bah, l'appart, j'espère. Oui, j'espère aussi. Si vous voulez cet appart, moi, j'ai quelque chose à vous proposer. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a au moins 100 dossiers hein, pour un appart comme ça. Ouais, 800 euros, on fait un cœur. Elle va soulever la jupe, l'agent. Ouais, alors écoutez. Vous voyez l'appart, Alors, moi, c'est pas vos parents qui m'intéressent. Ce qu'on peut faire, ça se fait beaucoup aux États-Unis. Ouais. Un petit nude et je vous mets au-dessus de la pile. Oh non. Un petit nude. Ouais, mais là, on est en France, donc du coup, les États-Unis, au pire, on va les nude. Ouais, mais c'est la nouvelle mode, hein. Il faut ça, monsieur. Ouais, mais... oh, non. Traditionnel aussi. Fin... Non. Ce sera un petit nude. On verra ça à la fin de l'entretien. Alors attendez deux secondes, j'ai un SMS du prochain client. Il est en bas, je vais juste aller voir par la fenêtre s'il correspond à mes critères. Oh le beau petit blond. Oh là là. Oh la bombe atomique. Oh purée, je vais me le bouffer tout cru. Je vais me le bouffer le blondinet. Bon, on va faire vite. Hein. On va faire vite. C'est lui qui va avoir la part. Oh là là, c'est énorme les amis. Eh, le client, il doit être kécho. Tu sais ce qu'elle lui a envoyé en 5 minutes. Imagine Dragons les amis. Et on retrouve Sarah, agent immobilier ce soir. Et puis on a rendez-vous avec notre pervers, magique. Et lui, j'ai rendez-vous avec lui à 22h20 les gars. Ça va être magique cette histoire. Will you hold the line? When every one of them is giving up and giving in, tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Happening, looking through the glass, found the wrong within the past, knowing we are the youth, caught until the beast, out of world without the peace, facing a bit of the truth. Agent immobilier. 20h, 23h. Venez vous enjailler avec Humeric Bonnerie. Le Rico Show, du lundi au vendredi. Sur Énergie. Avant d'avoir rendez-vous avec notre pervers, hein, là, qui arrive, qui est dans une forme internationale, on est avec Sarah qui inaugure un concept inédit, les habits complètement ouf. Elle est ce soir avec une personne qui vient visiter l'appartement, ouais. Un charmant locataire qui semble étudiant. Grave. Alors ça se passe pas comme prévu, puisqu'elle parle de son petit cul, elle parle des autres locataires à venir pour visiter l'appartement, et elle a l'air d'avoir la dalle. Elle se comporte comme un macho, mais version féminine. C'est un petit peu aussi la connasse, hein. Ouais, voilà. On se régale vraiment, on se connecte dans l'appartement. Tiens, c'est parti. Là, vous êtes en train de parler de mon corps depuis le début. Je suis complètement déplacé et pas respectueux du tout. Donc, est-ce qu'on pourrait faire une visite normale dans un appartement normal? Oh là, mais quel empoté. Mais vous comprenez rien. C'est d'être quelqu'un de normal qui veut prendre un appartement. Mais c'est moderne, je fais du moderne, merde. Déplacé, pas du moderne. Non, me laisse pas faire mon boulot dans cette société de merde. Déplacé, ce que vous faites. Bon, écoutez, on va passer à la visite. Bah, je sens que vous n'allez pas la voir, hein, je vous le dis, je préfère vous le dire, mais on va visiter quand même. On va la voir que... Allez hop. Oui, bah moi je vais perdre mon temps, pas ma dignité. Oh non, non, non. Suivez-moi. On fait quoi? On visite quoi? La salle de bain, hein? Vous en avez bien besoin, il y a des odeurs là depuis tout à l'heure. Oh, oh non, hein? La douche, apparemment, on ne connaît pas. Hein? Mister Champi, champignon. Oh non, mais laissez tranquille. Allez hop. Allez. Passez devant moi, je vais mater votre petit fessier. Merci. Passé, c'est encore une copine. Oui, bien sûr. Quand c'est les hommes qui font ça, on dit rien, ouais. Mais quand c'est les femmes, on ouvre. J'étais une réception. Bon, alors, si ça devant, je vais bien vous la montrer. Bon, il y a un petit peu de moisissure au sol et au plafond, mais bon. Vous, les douches, vous les utilisez pas beaucoup. Bah, c'est justement, c'est quoi votre gel douche? Fleur d'anu. Allez hop. Voilà la salle de bain. Ah mon chou, je te fais un bisou. T'as pris une bonne petite douche, toi. C'est un autre mec, c'est un autre mec. Oh, ah ouais, ils ont plusieurs sur le dos. C'est un peu dur, couchou. En pile, en tête de gondole. Un complice de Sarah. Oh, merci. Tête de gondole. Bisous, mon amour. Tête de gondole. Elle a fait se doucher dans l'appart. Non, c'est le futur locataire. Donc, voilà. Salle de bain, toilette, moisissure, moisi, tout ça, hop, c'est torché. On y va. Et toute la baraque est comme ça ou... Et toute la baraque est à votre image. Hop, hop, hop, on y va. On tue le balcon, ça. Ah non, elle est très sale. Bon, je vais vous montrer le balcon. Alors, ouais. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a un balcon de 4 mètres carrés. Venez, suivez-moi. Plus vite, s'il vous plaît, plus vite. Oh non. Hop. On ferme dans le balcon. Ah, oh, je vais te décrocher le cucu. Allez, hop. Je peux mourir. Voilà le balcon. Voilà, voilà. J'adore. Regardez bien. Approchez-vous encore et hop, on enferme dans le balcon. Oh non. Ça arrive, enfermé. Et voilà, il est enfermé. Qu'est-ce qu'il fait, c'est con. Et toi, t'es déchaîné, toi. T'en veux aux hommes depuis combien de temps? Ah ouais. Non, mais je me venge, j'adore. C'est je l'ai enfermé. Je l'ai enfermé. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-le. Non, je ne vous ouvre, je n'entends pas, c'est du triple vitrage. Je n'entends pas. C'est énorme, Sarah, ah ouais. garde-le, on se fait une petite pub de 3 minutes, tu me le laisses aux fraises, celui-là. Le temps qu'on puisse le retrouver, laisse-le 3 minutes dehors. S'il a pu se débarrasser de ses vêtements, on est bien. Il va y avoir le rendez-vous avec notre pervers qui est énorme, la boîte à deux dos et la tweetbox. Tous les tweets les plus marrants de la journée, vraiment que des barres de rire. Vous commentez hashtag ricochetshow sur NRJ et vous m'ajoutez, il y aura encore des cadeaux sur Snap, RICONRJ. On revient avec Sarah. Vous savez que votre radio est allumée sur Énergie. Parce que vous entendez les plus gros hits toute la journée. Wish Vous aimez, vous aimez Rico? Ah oui. Vous allez adorer le Rico Show. Le Rico Show. 20h-23h. Sur Énergie. Eh oui les amis, rendez-vous avec notre pervers préféré dans 5 minutes. On va se régaler, il nous attend. Vous savez, il s'est fait ouvrir le sachet et regarder ses noisettes avec un miroir lorsqu'il était avec une infirmière. Vous étiez très nombreux à me dire sur Snap, sur Insta, mais c'est ouf cette histoire. Eh bien les amis, ça revient. Sylvain, JM sont là. Ouais. On fera tous les tweets de la journée complètement ouf. Il y a du très très lourd. Et on est avec Sarah Magouille, hein, qui est en train de faire visiter un appartement, soi-disant qu'elle loue. Et évidemment, la personne est restée sur le balcon en train de refroidir depuis quelques minutes. Il fait froid en plus. Oh. Il fait froid. Oh, ouais. Et Sarah, tout d'une connasse. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Hein, et ah ouais. C'est magnifique. On adore. On adore quand elle a cette, voilà, ce côté-là, un petit peu cette impétence. Ouais. Ce verbe. Ce verre, merci Sylvain. On est deux à dire des conneries depuis une minute. C'est bien que tu sois là. Allez, on se connecte avec Sarah Magouille, en direct de l'appartement. N'importe quoi, après vous me faites des remarques sur mon corps, je sais pas quoi. Ils vont... Oh, ça va, t'as le cul qui refroidit, ça y est. Elle est sortie du balcon. Il est tout blanc, j'ai ramené surprise. Ça y est. Fais-moi vite de quoi. Oh là là, t'as le cul qui dit, allez, bah tu cours, tu fais un. Allez, allez tu cours, tu fais un tour du proprio, comme ça je bats ton cul encore une fois, allez. Mais c'est bien pour l'appart, mais l'appart vous n'aurez pas malheureusement, monsieur. Autant je me casse maintenant. Ah bah cassez-vous, je vous en prie. Allez-y, décidez devant moi que je mette votre petit cul. Oh là là, encore hein. Alors attendez, par contre, vous ne touchez pas le mobilier avec vos ongles, on dirait les ongles de mon grand-père. Oh non. Et son grand-père, je peux vous dire que. Il était mécano, hein. Non mais attendez, mais faut vous mettre un scaphandre, vous puez. Alors je vous explique juste un truc. Je vous aime bien. Déjà, vous n'aurez pas l'appartement. Vous avez. Vous avez une haleine de poney. Vous voyez les poneys? Non, mais vraiment, monsieur, je ne vous aime pas. Je manque de respect, vous n'allez pas. Je ne manque pas de respect, c'est la vérité. Alors, toi, écoutez, il y a monsieur Boudboul en bas, d'accord? Le médecin, il va s'occuper de votre haleine. Tout un dentiste qui s'appelle Boudboul. Je vais vous le présenter personnellement. D'ailleurs, je lui envoie un mail dès maintenant. Monsieur Boudboul, j'ai un Fennec. Oh non! Client! J'ai un Fennec comme client. Voilà! Hop, la sortie, elle est ici. Nous allons pas voir monsieur Boudboul. On y va. Voilà, mais cassez-vous. Mais cassez-vous, je m'en fous. Mais vous n'aurez pas là-bas. Mais parlez-en au pape si vous voulez. Allez hop, parlez-en au pape. Et rendez-moi mon sac. Mon sac. Rendez-moi mon sac. Mais rendez-moi mon sac. Bah si, garde ton sac, c'est quoi ce délire? Rendez-moi mon sac. Vous me rendez mon sac, monsieur. Laisse-tu ton sac, c'est bon, ta breloque là. Ouais. Mais bah, cassez-vous. Laisse-tu ta branle. Vous et votre puanteur, cassez-vous là. Putain de merde. C'est quoi? C'est bon, Sarah, c'est bon. Oh le délire. Ah ouais. Dites-moi ce que vous avez pensé de Sarah Magouille. Non. C'est énorme, les amis. On s'est barré. Moi, j'adore. Ah ouais, Sarah est très forte. Sarah est très forte. Elle est excellente. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais lire tous vos messages. Et on n'appellerait pas notre pervers. Ah, ah oui. Allez, les amis, c'est le retour du pervers fou. On se met happier sur NRJ. I've been thinking. I want you to be happier. I want you to be happier. When the morning comes and we see what we've become. In the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. Every argument, every word we can't take back. 'Cause with all that has happened, I think that we both know the way that the story ends. Then only for a minute, I want to change my mind. 'Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirit. I'm left there with my thoughts. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind. 'Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits. I want to see you smile. I've been thinking, I want. thinking. I want you to be happier. I want you to be happier than only for a minute. I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. Retrouver Jean-Marc, notre pervers, qui nous avait dit ça vendredi. Raconte-moi un peu tout ce que t'as fait avec tes coucouilles. Ben, une fois, il y a une femme qui m'a ouvert le sac, elle les avait sortis, et elle avait recousu le sac après. C'était douloureux, mais c'était pas mal. Et elle t'a sorti les couilles, tu les as vues en vrai, c'est ça? Oui. Oui, elle avait mis une glace pour que je vois. Ah, quand tout va bien, il y a tout le monde. Mais quand ça ne va pas, il y a qui? Eh ben, personne. Ah si, si, si, eux, ils sont là. Le Réco Show, 20h-23h. Sur Énergie. Eh oui les amis, vous avez kiffé Sarah Magouille, hein. On va appeler notre pervers à 22h30 pile, c'est promis. Trop fort ce nouveau concept, Sarah, t'as tout déchiré. J'aime quand les hommes n'ont pas le dessus, nous dit Babouchka. Un nouveau concept vraiment ouf, nous dit Amélie. Et puis Sandra qui dit, je kiffe en agent immobilier. Ça fait bizarre quand c'est une femme et pas un homme qui parle comme ça, ça fait beaucoup de bien, je trouve, hein. On essaye de dépoussiérer un peu les codes dans cette émission. Vous le savez, on est ensemble, on est là pour kiffer. Sarah Magouille était excellent, bravo, nous dit Louis-Georges, on lit tous vos messages. Et sur Snap aussi, hein, ça tombe, hein. Vraiment, vous êtes content. Et Elisabeth dit, je pense pas que Sarah ferait fortune dans l'immobilier. D'ailleurs, Sarah est de retour, là, on la voit arriver. Comment elle va, ma Sarah Magouille, qu'on peut applaudir. Bravo. Bravo la Sarah Magouille, exceptionnel. Oh, franchement, ça fait du bien de se mettre à la place d'un mec. Hein, je te jure, je me suis lâchée. En plus, le mec, tu vois, c'était un étudiant jeune, mais un peu macho, je l'ai senti au début. Ouais. Je l'ai remis en place. Oh là là. Elle, bon, après, je lui ai dit que c'était c'est bon, calme-toi là. Redescends. Il n'y a pas de Sarah Magouille ici. Redescends un peu. Non, mais bravo à Sarah. Franchement, ça fait beaucoup de bien. On s'est marré, ma Sarah d'amour. Et bravo, parce que franchement, je trouve très fort. Je trouve ça. Très très fort, ouais, vraiment. C'était trop bien, vraiment. J'ai kiffé. Vraiment. On se fera ça encore plus tôt. Et puis, je pense que la magouille est à Sarah, on pourra la mettre partout. Ah oui. Ouais, on pourra faire ça ailleurs que dans l'immobilier. 22 de voiture. Voilà, pas mal. Oui. Ah ouais, alors, elle est pas bien ma caisse. Quoi ma caisse? Qu'est-ce qu'elle a ma caisse? C'est moi qui pilote, c'est toi qui Klaxon. On peut se marrer à jouer avec les clichés comme ça. Et vraiment, on se marre. N'hésitez pas à venir, 0870 42 48 pour vous amuser. D'ailleurs, Sakura est là. Ça va, Sakou? Ça va, et vous? Salut, bah écoute, on est en pleine forme. Sakura, on va voir ensemble tous les tweets les plus gauleries de la toile. Ah ouais. T'es sur Twitter, Sakou, ou pas trop? Non. Non, t'es quoi? Plutôt Insta? Non, Face. Ah, Face, ah, c'est face. Vrai. Face. Yeah. Facebook, yeah. I'm on Face. Je suis sur Face en français. Ah, okay, ça voulait dire ça, j'avais pas compris. Tiens, il y a Alzo qui dit, si vous vous sentez con, dites-vous que j'étais en train de conduire et que j'ai fait demi-tour parce que je pensais avoir oublié mes clés de voiture. Oh, c'est vrai, ça arrive ça des fois. Tu penses que t'as un dos, hein, que t'as oublié, en fait tu l'as sur toi. Ça peut être le téléphone, ça peut être la télécommande. Des fois tu l'as dans la main, ça te l'a déjà fait ça, Sakura, ou pas un petit peu? Ah bah mon téléphone il y a deux jours. J'ai mon téléphone avec mon meilleur ami. Je dis attends, je cherche mon téléphone. C'est vrai quand tu t'oublies un peu comme ça. Moi ça me l'a déjà fait avec les lunettes, putain. Oh, qu'elles sont sur la tête. Il est sans pied, elles font partie de toi. Eh oui. Elles font partie de toi. Tweet. Suivant les amis, c'est Zulouman qui dit, mon frère il savait pas comment me dire que je pue de la bouche, il a attendu que je finisse de parler, il m'a sorti, tu veux pas un chewing-gum? Bon, la classique, hein. D'ailleurs Sarah Hollywood chewing-gum, il sentait vraiment le poney, le gars de l'immobilier. Alors, vraiment, moi j'aime pas être méchante et tout, mais je te jure, il sentait le rance, tu sais, le renfermé, c'est pas fraîcheur de tub. Sakura, tu peux pas tuer Sylvain, s'il te plaît? Pourquoi cette violence? Sakura, qu'est-ce que tu penses de Sylvain? Sylvain, oula, c'est pas plus lourd, je crois. Face to face. Oh non, fais gaffe, il va t'harceler sur Facebook. Je viens de croiser mon envie de travailler. C'est confirmé, on ne va pas au même endroit. C'est vrai, t'as bossé Sakura aujourd'hui ou pas? Ouais, ça va, je suis dans la restauration, moi, alors je bosse pas mal quand même. Ah ouais, attends, dans la restauration, vous en faites des kilomètres. Hein. Courage à tous ceux qui bossent dans la restauration, évidemment. Sylvain. Moi, c'est ce que je regarde quand je vois mon coup de mon cœur. Non, ton cerveau. Ouais. Là, je suis apparemment, tu vas pas souvent chez l'orthophoniste. tiens, il y a J'en peux plus qui dit j'ai goûté une chocolatine ce matin, et niveau goût, ça se rapproche quand même vachement du pain au chocolat. Ouais. Ça coûte. Toi, c'est quoi, team chocolatine ou pain au chocolat? Ah, bah, je suis charentaise, mon chocolatine. Hein. Chocolatine, moi aussi, j'ai toujours dit chocolatine, JL. Sérieux, mais on en a marre de ce débat. Arrêtez, oui, c'est bon, vous avez des débats. C'est un truc au chocolat, on s'en fout. Ouais. Toi qui dis que tu n'avais pas 10 centimes, ça va. Ah, oui, parce merci. Parce qu'il y en a qui disent que c'est 2 centimes. Ouais, c'est vrai, merci. C'est ce qu'il raconte. Sakura, tu peux pas dire à Sylvain qu'il est sur une autre émission là. Vous avez pas entendu ça? Oui, tu dis. Qui a dit ça? Bah, que ça valait 10 centimes. Mais qui l'a dit? Mais c'était il y a 5 ans. Mais attention, qui l'a dit? Bah, c'est l'autre là. Qui? Le maire de Melun, là, je sais pas où. C'est le maire de Meaux, Jean-François Copé. Ah, voilà, et toi, on va te déposer à la coopérative, toi. Bah, j'ai pas un copain, d'ailleurs. Allez, Angèle, tout oublier, j'ai envie de tout oublier. Il y a mon pervers qui m'attend, il faut pas que je sois en retard, on va l'appeler tout de suite, tiens. N'existe pas sans son contraire, qui lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin, je commence à douter d'en avoir vraiment rêvé. Est-ce une envie? Parfois, je me sens obligée. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là, j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. N'existe pas sans son contraire, une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaye d'oublier que tu es seul, vieux souvenir comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les sols. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Et le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Et le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seule. Oublie qu'elle t'a blessé. Oublie qu'il t'a trompé. Oublie qu'elle t'a perdu tout ce que t'avais. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Et le spleen n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. Si ça me soit juste heureux, si tu le voulais, tu le serais. Si ça me soit juste heureux. Vous êtes dans le Rico Show sur Énergie. Tous les soirs, le spot le plus chill pour passer la soirée. C'est le Rico Show. 20h, 23h. Sur Énergie. Eh oui, les amis, on se régale. Hein. Ces tweets sont magnifiques. Franchement, on s'est régalé. Ah mais il est temps de parler à un pervers. Et il est temps, avant cela, eh bien, d'embrasser Sakura qui est venue s'amuser avec nous. On va te faire un petit cadeau, Sakura. Merci d'être venue, ma puce. Oh, sympa, merci. Salut. Vraiment, on s'est régalé avec toi. On va te faire un petit cadeau. Je t'embrasse très fort. Et tu reviens quand tu veux. Bisous à Sarah. Bisous, ma belle. Ah, là, tu dis pas bisous, petit cul. Bisous, petit nichon. Oh non. C'est horrible, c'est horrible, ça va, ça suffit. Salut Sakura, on t'aime fort. T'embrasse. Ciao. Tu raccroches pas, on va te faire un petit cadeau. L'appel pervers, les amis, on resitue. C'est Jean-Marc. Alors Jean-Marc, c'est pas moi, je préfère préciser Rico. Ouais, parce que... Non, voilà, c'est un monsieur qui a posté une annonce et j'ai eu des messages, mais vraiment tout le week-end, toute la semaine, en disant mais ce Jean-Marc est complètement ouf. Parce que le gars, vraiment, il adore qu'on s'occupe de son petit sachet. Hein, il s'est fait attacher les boules avec une corde. Il s'est fait ouvrir le sachet par une infirmière. Il a sorti ses boules du sachet et les a regardées. Et en fait, je me suis dit, Jean-Marc, à la base, il a écrit « homme à castrer ». Ouais. Donc, moi, je me suis dit « à castrer », c'est est-ce qu'il veut qu'on lui frappe sur les boules ou est-ce qu'il veut vraiment qu'on éradique ses boules, hein, lui qui, évidemment, les planquait des fois dans la trousse à outils. Oh là là. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Oh non. Le trou de... Oui. Il est arrivé les planquer. Alors, elles sont rouges vives, elles sont décalées vraiment gravement de son pénis. Et moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il veut faire avec ses boules. Bah, d'autant que Noël arrive. Ah ouais, voilà, qu'ils accrochent le sapin. Voilà, qu'ils nous fassent plus chier. Donc, je lui ai dit... Allô mon Jean-Marc, on se voit ce soir à 22h30. Donc comme j'avais promis de l'appeler samedi que je n'ai pas rappelé, je le rappelle et on voit ce qu'on peut faire de ces boules, d'accord? Allez, les amis. Et puis on les met sur le bon coin. Ah bah oui. Et puis vous le savez, il va falloir parler du nouvel an. J'ai une très belle annonce à vous faire concernant le nouvel an. Voilà. Et on aura une personne qui souhaite passer, c'est une jeune femme, le nouvel an dans un endroit très spécial. Et elle veut en parler à toute la famille du Rico Show, puisque c'est une copine. 0870 42 48. Ok les amis, allez. C'est parti, on appelle Jean-Marc. Ah oui. Grave. Allez Jean-Marc. Oh. Allô mon cœur. Oh, quelle belle voix. Oui, allô. Allô Jean-Marc, ça va? Excuse-moi, oui. J'avais promis de t'appeler samedi, j'ai pas pu. Ah, c'est pas grave. Ça va, mon champion? Ouais, ça va. Alors, qu'est-ce que t'as fait avec tes boules ce week-end? Rien ce week-end, comme j'étais en famille. D'accord, t'as une femme? Non. D'accord, t'as des enfants, toi, Jean-Marc? Oui, j'ai des enfants. D'accord, ils ont les boules de leur père? Je sais pas. D'accord. Et alors, raconte-moi un petit peu ce que tu projettes de faire pour ton sachet. Bah ça, c'est toi qui verras ce que tu veux en faire. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir découper une de tes couilles pour les faire cuire. Bah ouais, ou même les deux. Ah non, mais après, t'aurais plus de couilles. Mais c'est pas grave, ça. Ça te dérange pas? Oh, pas du tout. T'as pas peur de mourir? Bah non. Pourquoi? Il suffit de bien mettre un élastique plus haut et couper en dessous l'élastique. Il faudra bien serrer les couilles et comme ça évite l'hémorragie. D'accord, tu t'es déjà coupé les couilles? Non, mais je me suis renseigné sur le sujet. D'accord, t'aimerais bien être castré, quoi. Ah, si une femme veut me les couper, ouais, y a pas de souci. Hein. Comment t'aimerais que je te coupe les couilles? Raconte-moi, qu'est-ce que t'as lu? Je voudrais quand même mettre l'élastique le plus haut possible, qu'elle me coupe les couilles comme elle veut, au couteau, au ciseau, comme elle a envie. D'accord, à vif, hein, sans t'endormir, hein. Oui, bah oui. D'accord, et tu penses que derrière, tu ne mourrais pas? Ah non, non. J'ai été voir sur Tribunet Castration, j'ai vu une vidéo où c'est que la nana a fait ça à un mec, et on voit que c'est pas truqué, et elle lui découvre les couilles, il y a plus de soucis. Hein. Mais qu'est-ce qu'on ferait des boules? Je pourrais les garder pour chez moi, pour mon sapin. Oh, si tu veux, ouais. T'en feras ce que tu voudras, elle t'appartient. Oh, c'est sympa, ça me donne beaucoup envie. Ça te dérange pas de ne plus avoir de couilles? T'aimerais ne plus avoir de couilles? Ah ouais? Ouais, si c'est une femme qui les veut, moi, y a pas de souci. Hein. Mais je vais te castrer, mon Jean-Marc. Mais t'es tombé bien. Sur la bonne, là. Bah, je suis content. D'accord, je te rappelle demain pour qu'on s'organise un petit peu. C'est moi qui te couperai les couilles, tu me les réserves. D'accord, pas de souci. Je peux compter sur toi, Jean-Marc. À demain. À demain, bonne soirée. Salut, merci. Jean-Marc, salut. Salut. Tout le monde se tient les baloches. Dites-moi ce que vous en pensez. Tout de suite sur Snap, je lis tous vos messages concernant ça sur Snap. R-I-C-O NRJ. Hashtag Ricocho sur NRJ. Aïe, on va parler du nouvel an très spécial qu'a prévu Claudine. Mais c'est ouf cette histoire. Franchement, il veut m'offrir ses boules, baba. Garde-les, frérot. You've been dressing up the truth. I've been dressing up for you. Then you leave me in this room. This room. Pour a glass and bite my tongue. You say I'm the only one. If it's true, then why you running? You running? Ooh, oh. If you're really being honest, if you really want this, ooh, oh. Why you acting like a stranger? What's with your behavior? Ooh, oh. Say my name, say my name. If you love me, let me hear. escucho como digo tu nombre. Desde Medellín hasta Londres. Cuando te llamo la mala responde. No pregunta cuándo, solo dónde. Te dejas llevar de lo prohibido, eres adicta. Una adicción que sabes controlar. Y te deja llevar lo más caliente en la pista. Todo lo que tienes demuestra pa' que lo dan. Mordiendo mis labios esperas que nadie más está en mi camino. Nada tiene por qué importar. Déjalo atrás, estás conmigo. Say my name, say my name. If you love me, let me hear you. Say my name, say my name. I am dying to believe you. I feel alone in your arms. I feel you breaking my heart. Say my name, say my name. If you love me, let me hear you. Beaucoup de messages concernant le pervers. Tous les jours, Aymeric Bonnery est sur Énergie. Le Rico Show. 20h-23h sur Énergie. Eh oui les amis, vous êtes comme des oufs hein. Rico Énergie sur Snap. Il y a Léa qui dit j'en peux plus du pervers, il est fou. Utiliser ses cacahuètes comme boule pour le sapin du jamais vu. Il y a Antoine qui dit ce mec est complètement malade. Franchement il est fou. Il y a PK qui dit tellement sale le mec. T'es sûr qu'il est pas de la famille de Sylvain MDR. C'est PK 144 qui me dit ça sur Snap. Rico Énergie. Et Thomas du 36 qui dit pour les bouliches, heureusement qu'il est pas tombé sur Sarah tout à l'heure. C'est vrai, Thomas du 36. Et Rémi qui dit voilà, je vous adore. Et Chris Adam qui dit salut toute la team, il m'a foutu les boules, le mec, il est malade. Demande-lui la prochaine fois quelle sauce il veut les cuire, nous dit Chris Adam. Évidemment, réagira. Beaucoup de commentaires aussi, hashtag RicoShow sur Énergie. Et il y a justement Louis-Georges qui dit qui sont les mecs qui ne sont pas tenus les boules. Ah bah, nous, on se les a tenus. Hein. À tous, on avait la main au paquet, même ça. Ce qui me fait penser que peut-être la personne est un homme. Hein. J'ai trouvé trop crédible dans Sarah Magou. J'ai trouvé trop bête pour être une fille. Je vous expliquerai. D'ailleurs, Rico, si la prochaine fois tu peux attraper les tiennes, tu t'es trompé. Ah oui. Elle est bonne celle-là, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, je lâcherai ceux de Sarah. Les amis, on est là jusqu'à 23h. Il y a pas mal de choses. La boîte à deux doses, tous les dossiers de façon anonyme concernant l'équipe. Vous adorez savoir les coulisses de l'émission. Croyez-moi, il y a du très très lourd. Mais on a surtout Clotilde qui va nous parler du nouvel an. Parce que franchement, moi je pense que le nouvel an, c'est maintenant que ça se prépare. Non, mais c'est-à-dire, moi déjà le nouvel an, on sera là nous. Je vous dis, le 31, on sera là de 20h à 6h du mat. On fera 10 heures d'antenne en direct avec vous. Il y aura des places pour venir nous voir. Je vous tiens au courant dès demain. Ça va être énorme. Il y aura plus de 100€ de cadeaux par personne. Trop des bien. Cadeaux comme s'il en pleuvait. On va manger ensemble, on va kiffer ensemble, on va danser ensemble. On pourra ouvrir Énergie et ses portes à plus de 100 personnes. Ça va être énorme les amis, je vous le dis. Mais c'est maintenant qu'on prévoit le nouvel an. C'est début décembre. Mais d'ailleurs, Clotilde, elle a prévu de passer le nouvel an quelque part. Elle a fait 0870 42 48. Ça va Clotilde? Oui, salut Rico. Salut Clotilde. Écoute Clotilde, t'as quel âge? Ça m'intéresse. Tiens, mais c'est pour j'ai savoir. 35 ans. T'as 35 ans, très bien. T'es une des plus jeunes ici. Clotilde, oui, parce qu'il y en a qui ont menti, je t'expliquerai. Clotilde, raconte-nous ce que tu comptes faire, toi, pour le nouvel an au soir. Oh ben, je vais peut-être venir à votre soirée, elle a l'air c'est pas ce qui était prévu. Hein. Ah bah, t'es la bienvenue, mais qu'est-ce que tu comptes faire au départ? Non, à la base, il est prévu qu'on aille dans un club libertin. Avec qui? Ah oui. Avec qui, Clotilde? Bah, qui veut. D'accord. Ah bah là, c'est feu d'artifice, hein, tu vas voir. Le 31 au soir. Ah, est-ce que t'es déjà allé dans un club libertin, Clotilde? Ah bah oui, ça fait des années que je pratique. D'accord. Ah ouais, et là, comme on réfléchit déjà aux soirées qu'on peut faire le 31, ça se passe maintenant. Toi, tu penses que c'est les meilleures soirées là-bas? Ah bah oui, effectivement, c'est feu d'artifice. Elle cherche son prêt charmant. D'accord. Que t'as employé est exactement le bon. Bon, ben, bah, c'est bon, ça. Nous, dans nos soirées classiques, à minuit, on se fait la bise. Vous faites quoi à minuit? Ah, bah là, même pas qu'elle te dise. Hein. C'est le 12 coups. Si, si, ils se font la bifle. Non, mais qu'est-ce qui se passe, tiens, dans un club libertin à minuit quand les cloches sonnent? Ils font péter le champagne. Non, mais qu'est-ce qui se passe, Clotilde? Alors, en général, à minuit, il n'y a pas encore grand monde qui a commencé. Ouais, c'est vrai. Tout le monde se rejoint sur la piste de danse. Effectivement, bon, c'est pas la bise, hein. Tout le monde s'embrasse sur la bouche. Si on s'échange nos cues, bien si je change. Elle est magique, le type. Et du coup, il se passe, à minuit, c'est quoi? C'est tout le monde s'embrasse sur la bouche, quoi. Mais là, en fait, tout le monde se souhaite la bonne année. Et puis, les personnes qu'on a rencontrées en début de soirée et tout, on commence à aller... gratter, ouais. Dans des espaces. On tape les casseroles aussi, quoi. Bon néné. Ah, mais les 12 coups, c'est toute la nuit, hein, de toute façon. Ah, bah ouais. Sylvain, t'as déjà fait, toi, dans un club libertin pour la nouvelle année? Ouais, non, ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher? Ah, ouais, c'est super cher. C'est vrai que ça coûte très cher. Ah, ça coûte combien? Bah, je sais pas, ils doivent quadrupler les prix. Ah, ouais, prix, c'est combien que le titre de la soirée, là, dans le club où tu vas, par exemple? 150 euros. Ah, ouais, voilà. Waouh! Wow, ouais. Même quand t'es une meuf. Même quand t'es une meuf, parce que je sais que des fois, quand t'es une meuf, c'est plus facile. C'est ah oui, mais non, mais là, moi, j'y vais en couple, hein, je suis pas toute seule. Et en plus, il y a deux morceaux de pâté, un bout de mousseux, et voilà, hein, ça dégage. Hein. Tu vas pas dans le club Liberté pour manger pour le jour de là. Là, par contre, je peux pas laisser dire ça en général. C'est le buffet n'est pas terrible. Par contre, hein. Ah ben t'as jamais été, t'as dit. Non, ben on m'a déjà dit, on m'a déjà dit. Oh, t'as déjà dit. L'autre, il y a Clotilde qui fait tous les ans dans ce club Hubertin. Lui, il a jamais été, mais il va te dire, ah si, ah si. Allez, un peu d'amour, chalot, sur énergie, les amis. Ça va bien. Ah oui. La boîte à deux doses arrive. Et si vous avez fait un nouvel an complètement fou, dites-le nous. 0800 70 42 48. Rico Énergie sur Snap. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times. I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tired trying to fill that void, or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling in all the good times. I find myself myself. C'est la boîte à dodos. Elle renferme les pires vérités. Ils ont osé l'ouvrir. C'est la boîte à dodos sur Énergie. Évidemment, les amis, derrière, on continuera de parler de ces soirées de nouvel an. Là, quelle est la meilleure soirée à faire là? Ouais. Tiens, c'est début décembre, il faut y penser. Et on a Claudine qui a proposé la soirée libertine. On la garde avec nous, on va y revenir. On garde notre petite libertine du soir. En attendant, c'est la boîte à dodos. S'il y a des dossiers sur Sarah, Sylvain, JM, fournis par eux-mêmes, les amis, de façon anonyme. Sylvain, ouais. On nous dit dans la boîte à dodos, de façon anonyme, quelque chose sur toi. Oula. Je vois. Non. Sylvain, t'es encore plus ignoble que je le pensais. La semaine dernière, j'étais avec lui dehors. Il a trouvé une bouteille d'eau pas ouverte qui appartenait à un SDF. et sera la prise. Non. Et la même gardée. C'est faux. Répugnant. Non, non, c'est faux. T'as pris une c'est bouteille bonté. D'eau d'un SDF. Non, non, c'est. Hey, attends, je raconte l'excuse si, le truc. Oh là. C'était pas SDF, je l'ai trouvé sur un rebord de fenêtre. D'accord, et donc toi, tu vois une bouteille d'eau fermée sur un rebord de fenêtre, tu la voles. Eh ben ça, non, je l'ai pas volée, ça appartenait à personne. D'accord. Quand tu voles, ça veut dire que tu prends quelqu'un. Mais qu'est-ce que tu prends une bouteille d'eau dehors? Hein? Bah, je sais pas, je l'ai vu. Tu sais, j'ai regardé le bouchon s'il n'était pas dégoupillé. Ouais. En plus, c'était de la bono, donc forcément, j'ai pris quoi. Ah, on dîne dehors. Mais il est horrible. Non, mais sur le rebord, tu prends une bouteille d'eau dehors. Ça veut dire qu'elle était à quelqu'un. Mais c'est à quelqu'un qui n'a pas de frigo et qui met dehors. Ah, ouais. Je connais mais cette oui. technique. Ah oui. Ah, ouais, peut-être, ouais. Ah, donc c'était pas SDF, c'était à quelqu'un. Non, elle traînait sur le bord de la fenêtre, j'ai pris, voilà. Mais quoi, sur le bord de la fenêtre d'une résidence? Ouais, je crois. Un truc comme ça, quoi. Oh là là, moi, je suis eux, je te mets du laxatif dedans, je te remets la goupille, je te fais chier comme un canard. Allez Sylvain, on a encore autre chose sur toi, encore lui. La semaine dernière, Coé avait offert des gaufres aux personnes de son public. Oui. Et ce rat de potard a dit à Victor le stagiaire de se faire passer pour un mec du public pour lui ramener une gaufre gratos. Mais non, c'est pas vrai. C'est moche, hein. C'est pas vrai. Ouais. Si. Tu l'as eu ta gaufre? Ouais, bah oui, j'en ai eu deux même. C'est pas vrai. Bah, il mange beaucoup, hein, Victor. Hein. Ah ouais? Donc il en a filé deux à lui. Mais non. Notre stagiaire d'amour. Et lui, est-ce qu'il a pu s'en bouffer une au moins? Ouais, si. Ah, ah ouais, si, il a gueultonné. Attends. Il a gueultonné. Ouais, bah attends, il m'en a pris pour moi, il s'est quand même pu. Il est fou, lui. Hein. Sarah, vieille crasseuse de merde. Ah, oh là. Quand Ritza est venu cette semaine, oui. Il était accompagné d'Eva Guess. Et toi, tu t'es permis de dire que tu chantais mieux qu'elle. Et qu'elle aurait mieux fait de te choisir toi. C'est moche l'aigreur quand même. Mais pas du tout. Alors j'ai jamais dit qu'elle que je chantais mieux qu'elle. On n'a pas le même timbre de voix, d'accord. Ouais. Bon, elle n'est pas timbrée comme toi. Ouais. Et puis on n'est pas de la même génération. J'ai tout à lui apprendre, je pense, de mon expérience. Oh non, mais de mon expérience, de ma petite expérience. Quelle expérience. Bah, on a 10 ans d'écart, elle et moi. Ouais, bah, écoute, ouais, hein, ça se voit que dans les nichons. Au niveau de la voix, en tout cas. Attention, ce bouffon de JM se prend de plus en plus pour une star avec sa chronique. Je l'ai même entendu se vanter qu'il y avait des marques qui lui envoyaient des fringues gratuites pour qu'il les porte. Profites-en, crasseux, ça va pas durer. Ah, c'est pas putain. Et d'ailleurs, ce pull-là qu'il a, ça Monsieur fait moins, Lou, là. Ça fait moins une semaine qu'il a ce pull-là. Ah, ouais. Je l'ai mis deux fois, j'ai mis une fois la semaine dernière, j'ai mis ce soir pour la chronique, ouais. C'est tout. Excusez-moi, le mec, il met un t-shirt tous les trois jours. Il est bien taché, en tout cas. Écoute, mais en tout cas, oui, évidemment. Et ben merci les marques. Voilà, bim, je profite. Oh, oh là là, j'ai entendu dire que tu partais aux mêmes dates que Potard à Marrakech à Noël. Avoue que rat comme tu es, t'as déjà des sueurs froides. T'as peur que Sylvain qui va aussi te gratte. Mais on sent que tu vas l'esquiver toute la semaine. Mais avoue. Évidemment, c'est le but de l'esquiver. Je me cache-cache à Marrakech, je te le dis déjà de une. Et c'est moi qui passe pour un rat. Je vais me faire gratter pendant une semaine et je passe pour un rat. Vous êtes oh là là, c'est énorme. J'espère pas le croiser. Ah bah avec sa tête, on va jouer à Où est Charlie, hein. Elle a la même tête, hein. Avec des lunettes, un bonnet rouge, c'est bon. Moi je pense que je vais jouer à Où est le bouffon. Et j'ai l'impression que je vais te mettre le doigt dessus tout de suite. Allez, Soprano les amis, et puis on va parler du nouvel an avec Clotilde la Libertine. Alléluia, alléluia. Hermano Sopran Baba. Hermano Shaouela. Je suis toujours resté le même, je suis toujours resté le même. Je suis toujours resté franc, oui, comme ma première SACEM. 20 ans au-dessus de la mêlée, je ne sais pas m'arrêter, je sais que je devrais en laisser. Mais bon, je ne sais que les dresser, car j'ai ça dans l'ADN. Non, je ne sais pas faire autrement, je ne sais pas faire doucement. Je les entends me tailler, normal, on taille que les diamants. J'ai dû hériter de la baraque de mon voisin Zinedine. À la baraque, il y a une décennie de trophées, mais que des retournés à la Gareth Bale. Les baffés, leur donner le tournis quand tombaient les tout derniers chiffres. De leur carrière, j'ai pas tourné là-bas, jamais j'ai plutôt fermé le livre. Mélanger les styles et les gens depuis tellement d'années qu'ils n'arrivent plus à suivre. Donc obligé ce soir de leur expliquer ce qui leur arrive. Viens, zoom, zoom, zoom, comme Diego dans la Bombonera. Comme Savastano dans la Scampia. On vient rentrer dans la leyenda. Jamais on trahira la Honda. viens rentrer dans la leyenda. Jusqu'à 23h, on est là sur Énergie pour kiffer. Et puis il y a Clotilde qui nous a annoncé son nouvel an. Il est temps de le passer et d'y penser. En tout cas, nous on sera là. Il y aura plus de 100 personnes qui pourront venir kiffer avec nous. Je vous expliquerai comment s'inscrire. N'hésitez pas à me suivre sur Snap pour avoir des nouvelles RICO Énergie. Et puis vous appelez au standard 0800 70 42 48. Clotilde, le nouvel an libertin, c'est le meilleur nouvel an que t'es passé finalement ? Oui. Bah parce qu'elle a connu que ça aussi. Ouais. Eh oui. Ça, ah non, pas 35 ans qu'elle fait les jours de l'homme. Respecte-la. Respecte-la. À 8 ans, elle allait au club libertaire. Elle faisait fondre la neige, Clotilde. Mais arrête. Franchement, Clotilde, c'est beau quand Sylvain parle à ta place, franchement. Quand quoi ? Quand Sylvain parle à ta place, ça te fait plaisir, j'ai l'impression. Hein, mais j'ai pas entendu ce qu'il m'a dit en fait. Mais t'as bien raison, c'est bien. Ah bah, ça écoute, rend sourd. Non, ça rend sourd. Bien. Non, il disait justement que toi tu faisais tous les nouvel an en soirée libertine. Libertine. Non, je l'ai pas fait tous les ans, mais quasiment. Ah ouais, elle adore ça. Ouais. Toi, Sylvain, les nouvel an. Ah, moi, j'avais fait un truc de ouf. Enfin, j'avais fait un truc. Ouais. J'avais fait le deux en un. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, le nouvel an, je l'avais fait deux fois. Ouais. Parce qu'en fait, j'avais fait le nouvel an à Paris. Ah ouais? Et j'avais un stage de judo le lendemain. Ouais. Donc j'ai pris un zing, enfin un coucou. Un coucou? Un quoi? Enfin un avion. Mais un coucou! J'ai pris un avion. J'ai pris un zing. Après, il dit un coucou, le mec, il va traverser l'Atlantique en coucou. C'est toi qui pédalais pour l'avion? Non, j'ai pris un avion. Oui, parce que là, on a l'impression que t'as fait un Paris Touquet, quoi. J'ai pris un zing et un coucou. Un touk-touk qui va te dire bientôt. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, je me suis retrouvé au Brésil le lendemain. Et comme il y a un décalage d'horaire de 6h ou 7h, c'est-à-dire que j'ai refait le nouvel an là-bas en fait. Eh ben. Ouais, je l'ai fait deux en un quoi. Et alors, t'as payé deux en un ou. Non, ça m'a coûté gratos. Ah ouais, et quand t'arrives aux États-Unis, ils se préparaient, parce que oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, ils allaient faire la new Happy Year. La new Happy Year. D'abord le Happy avant. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Yeah. Ça, demain, j'en fais un jingle. Happy New Year. Ouais. Putain, c'est ouf. Et toi, franchement, t'es énorme. On en reparlera du nouvel an. Clotilde, je te fais plein de bisous, Clotilde. Ouais, bah bisous à vous tous aussi. Hein. Ouais, c'est bon. On pense à toi pour le nouvel an, Clotilde. Hein. Oh, moi je penserai pas à vous. T'es un amour, Clotilde. Oui, on te fait plein de bisous. Je te souhaite une bonne soirée. Et puis d'ici là, écoute-nous, il y a le temps. Appelle-nous quand même pour les 12 coups. Ouais, tu sais quoi, Clotilde? On va garder tes coordonnées. Ah, oui. Et on t'appellera en fil rouge durant l'émission. Pour savoir comment se passe en fil blanc, les 12 coups de vie. Disons qu'il y en a qui font des nouvel an deux en un, et moi c'est deux dans un. Oh, Clotilde. Hey, t'as remarqué, il y a des émissions où les mecs ils résolvent des équations, des trucs. On sera deux en un. C'est la folie. Clotilde, t'es un kiff, on te fait un petit cadeau. Merci Clotilde, on t'embrasse, plein de bisous. plein de bisous. Eh, hey, franchement, ça me cette autodérision, cette fraîcheur, cette liberté. Cette blague en plus. Allez, putain, moi je pensais que deux en un c'était que les lave-vaisselle et trucs. Ou les shampoings. Apparemment, il y a Clotilde aussi. Elle fait du deux en un. Et qui dit qu'elle en fera pas du trois? Ça mousse. J'ai l'impression qu'elle est. Pourquoi il dit ça mousse en fond de cours comme ça? Le shampoing, ça mousse forcément. Ça mousse. Allez, demain, Zao sera avec nous. Ce n'est jamais de ta faute. Le retour du VTC de la peur. On aura que des kiffs. Je vous demande si on va pas se refaire à Saramagouille. Ah ouais, j'ai bien demande. J'ai kiffé. Dites-moi ce que vous en pensez sur Snap. Vous m'ajoutez là tout de suite. R-I-C-O-N-R-J. Comme ça, on discute ensemble. Je réponds vraiment à tout le monde. C'est pas une vanne. Je réponds à tout le monde. R-I-C-O-N-R-J. Merci les amis d'avoir été là. On se retrouvera demain à 20h pour l'émission de ouf. Et n'oubliez pas l'important de la vie. C'est faire ce qu'on aime. Allez les amis, maintenant c'est Mickaël. Eh oui, bonsoir à tous. Comment ça va? Ça va, Mickaël? Passe un bon week-end. Bah écoute, ça va. Ça va un petit peu dégoûté là pour les Français au Ballon d'Or. Ce que je te disais quand t'es passé me faire un bisou. C'est vrai que c'est compliqué là, je vois qu'on a rien gagné là. Ouais, mais bon, après Modric mérite quand même finaliste et puis Ligue des Champions quand même. Trois fois de suite. Ouais, c'est beau. Ah oui, quand même. Mais bon, après voilà, chacun son idée. Après pour Griezmann, moi je trouve qu'il méritait pas de gagner, je suis désolé mais. Ouais. Ouais, mais bon, il a rien gagné l'année dernière à part la Coupe du monde, mais c'est dire il était pas meilleur buteur ou un truc comme ça. Et la Coupe d'Europe aussi. Ligue Europa. La Coupe de. Ah ouais, la Ligue Europa, ouais, c'est vrai, j'avais oublié. Autant pour moi. Et puis Varane, il a tout gagné, Ligue des Champions aussi, et Coupe du Monde. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai que Varane, pour le coup, ça aurait été. Ça aurait été un joli. Mais bon, c'est un défenseur. Ouais, je suis dégoûté. C'est rare. Oh, enfin, qu'est-ce que tu veux, l'année prochaine. Tu vas nous remonter le moral, là. Ouais, écoute, on va essayer. Ah bah oui, là, on est pas bien. Tu nous mets la pression, là, on va essayer. Moi, je trouve que c'est l'OM qui aurait dû gagner le Ballon d'Or. Eh oui, Mitroglou, tu es fou. Pour ce magnifique beau match ce week-end là. Ah, c'était génial. Hein, une occasion de passer presque en tête. Eh ben non. Mais non, trop facile. Encore raté. Ouais. Putain, ouais. Les pauvres. Ah, enfin, bon, qu'est-ce que vous voulez. Bon, on s'y casse, ça ira. Bah oui. Mais oui, il faut y croire. Bon, bah, bonne soirée, kiffez les amis. L'équipe. Oui. Salut. Vas-y, tu me dis. T'as dit quoi, Emmerich? J'ai dit kiffez l'équipe, amusez-vous. Eh bien. Bah écoute, merci beaucoup. Bah vous aussi, bonne nuit alors. Salut les gars. Les cas, bisous à tous. Tchou tchou. Allez hop, on écoute George Ezra pour démarrer l'émission. 01 40 71 5000. Vous pouvez nous appeler dès maintenant, passer en live. Juste après, bah, George Ezra sur Énergie. Bonne soirée. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. South of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. What I mean, there's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. soirée tout le monde, c'est Mickaël sur Énergie. C'est parti, 23h05, 01 40 71 5000. On est en décembre. Fin d'année. Noël arrive. C'est une fête magique. On célèbre l'amour, l'amitié, la joie. Noël, c'est féerique. La joie, la bonne humeur, la famille. Toutes les nuits, ils sont là. Ils sont là. Mickaël, Tof, Polo et Amina. Ils terminent l'année en beauté. La vie est un combat. Une lutte entre le bonheur et le malheur a lieu. Tous les soirs, choisis ton camp. Tu aimes sourire et tu aimes rire. Tu es le bien. Bien. Tu es mauvais et tu te plains. Tu es le mal. Pressé de finir 2018. Une année mouvementée. Beaucoup de rire et d'amusement. Des problèmes et de grands moments. Oh, vous êtes génial. Ça se termine bien. Et heureusement. Sans conflit et calmement. Et pourtant, après avoir subi des problèmes, des changements d'horaire, de grosses galères, des changements de studio, des changements de pays, des galères d'argent, une expulsion, une révélation. L'année se termine. Mickaël et toute la team vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année sur Énergie. Twitter, Facebook et Insta. Mickaël officiel. Allez, ça y est, c'est parti. Ce jingle lance officiellement les bonnes fêtes de fin d'année. Bonne fête. Ça y est, c'est fait. Faut pas le dire avant. Bah si, en général, bah si, quand tu vas dans les boutiques, tu sais, bonne fête, au revoir. Mais ça porte pas la poisse. J'en sais rien, non, je pense pas que ça porte. C'est l'anniversaire en avance qui porte. Ouais, l'anniversaire, ouais. Non, non, là, non, bah non, tout le monde dit bonne fête à l'avance. Non, non, je suis. Non, c'est le jour de l'an, c'est le jour de l'an. Ah ouais. Ouais, après tu dis pas bonne année 5 minutes avant. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, bah, y en a plein qui vont le faire, hein, de toute façon. Oui, ils pourraient éviter les bouchons. Sauf que là, ça marche plus par SMS vraiment, hein, mais bon. Bon, quoi qu'il en soit, nous sommes en direct 01 40 71 5000. J'espère que vous avez passé un bon week-end, hein, malgré évidemment cette magnifique journée de samedi, hein, dont on parlera évidemment. De toute façon, j'ai dit qu'on en parlerait encore ce soir, vendredi, puisqu'on avait lancé un débat où vous aviez pas compris ce que j'avais voulu dire. Bref, avec ce qui s'est passé, si vous le voulez, hein, après vous êtes les bienvenus. Si vous voulez pas en parler, on en parle pas, on s'en fout. Eh ben 01 40 71 5000. Amina va bien? Bonsoir, oui, elle va très bien. Amina a passé un bon week-end? Ouais, ça va, nickel. Écoute, je me suis retrouvée bloquée dans le métro, bah forcément parce qu'il y avait la manifestation. Ah oui, la manifestation. C'est ça. Oui. J'ai essayé de joindre Polo, mais qui était en tête de cortège, donc forcément, il n'était pas joignable. Non, j'ai été aussi bloquée, j'ai été obligée de marcher pendant au moins 30 minutes. Non, c'est pas vrai. T'es bloquée c'est... par les CRS, c'est pas pareil, Polo. Non, ça c'est toi, ça. Tu t'es déguisé en Pikachu et tu râlais. Ouais, la manifestation. Manifestation, oh manifestation, manifestation. Ah t'es comme ça, Amina, t'as manifesté alors. Ah, mais j'adore les manifestations, mais je pouvais pas ce week-end parce que je cherchais un sapin. D'ailleurs, si quelqu'un a un bon plan sapin, je veux bien parce que je ne trouvais que archi cher là, j'ai pas les moyens. Ah bah évidemment. Attends, parce qu'il y a encore Emery qui est en train de montrer son cul là. C'est dommage, Toff n'est pas là, c'est quand même malheureux. C'est lui qui aurait tout adoré. Enfin, il est pas là, il est là, hein, mais il est aux chiottes. Mais voilà, on a eu un grand plan sur les fesses d'Emery. Hein, ouais. C'est... Et bon appétit si vous êtes à table, bon évidemment. Comme Amina par exemple qui est en train de bouffer là. Ça va, moi j'ai pas vu. Alors Amina, la espèce de bol de soupe. C'est un bol de chez moi, tu veux que je la mette où la soupe? Oh là là, de la soupe. Dans ton huc. On va mettre dans le tien, ouais. Tu peux essayer, ouais, pourquoi pas. Vous avez vu comment ça attaque, voilà, là. Son fantasme, c'est de boire, manger de la soupe dans mon huc. Oh, bravo. C'est dégueulasse. Une émission philosophe. Eh ben voilà, exactement, et comme d'habitude. Bon, j'ai cru que c'était un son que j'avais envoyé. Non. Une émission philosophe. Bon, Sophia est avec nous. Bonsoir, Sophia. Bonsoir. Oh non, merde, putain, c'est Sophia qu'on devait avoir vendredi. Oui, mais qu'on n'avait pas réussi à avoir. Ah oui, ah, quelle malchance, quel dommage. J'avais presque oublié. Eh ben oui, Sophia, Sophia qui nous avait appelé parce que. En gros, son mec ne lui répond plus depuis moult semaines. Ouais. Et en gros, à chaque fois qu'elle appelle, bah, il lui raccroche à moitié à la gueule et elle se demande si, s'il la trompe ou pas, quoi. Voilà, c'est ça. Et lui, il ne lui répond plus. Donc, il y a un moment, ça fait quand même assez bizarre. On t'avait proposé d'appeler, mais t'as dit ouais, mais non, mais bon, mais je ne sais pas, mais je ne crois pas, mais tu sais, je ne crois pas que je pense que si. En fait, je vous explique. Genre, en fait, on était dans le même établissement scolaire. Enfin, j'étais en prépa. Et du coup, ce qui fait que on est dans le même établissement scolaire et on a beaucoup d'amis en commun. Et puis mon copain c'est pas quelqu'un de... Je sais pas comment vous expliquer, mais genre il m'a fait une demande de mariage au resto, il est gentil, il me respecte, enfin je sais pas. Ah bah la preuve, il te répond plus. Enfin ça c'est juste normal en fait, faut arrêter de s'extasier parce qu'un mec nous insulte. Après, pas quoi. Il y a quelque chose aussi que vous saviez pas, c'est que moi j'ai oublié son anniversaire. Oui, donc, non, mais d'accord, mais tu peux oublier son anniversaire. Enfin, tu peux. Non, quoi, ça se fait pas. Enfin, je veux dire. Oui, mais de là, c'est pas pour ça qu'il faut lui donner des nouvelles pendant 6 semaines. Oui, non, moi, je te donne plus de nouvelles à dit à maternam. Hein. T'oublies mon anniversaire, j'oublie. J'ai oublié ton anniversaire. Je me souviens plus. Non, tu m'as souhaité. Après aussi, je vous ai dit, il y a des choses. Enfin, je vais tout vous dire parce que je vais pas non plus tout tomber sur